Dis Bibounette, tu veux faire quoi aujourd'hui? La même chose que tous les mois, mon Bibou. Faire un petit podcast. Bibou et Bibounette, Bibounette et Bibou, ils se prennent pas la tête et vous donnent rendez-vous. Rendez-vous bonne franquette chez Bibou Bibounette, chez Bibou, Bibou et Bibounette, net, net, net, net. Bonjour mon Bibou. Bonjour ma Bibounette. Eh ben, bienvenue chez Bibou et Bibounette, le podcast. Exactement. Comment exactement. Tu vas? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Plutôt ouais. Pas mal. Et toi? Bah très bien. Très très bien. J'allais dire épisode un peu spécial, mais ça va pas être tout le temps spécial. Non, ça va pas être. Parce qu'on enregistre à nouveau sur Mumble. Bah oui, mais on va arrêter de dire que c'est spécial d'enregistrer sur Mumble. Plein de gens le font. C'est ça. Mais par contre, moi j'ai rien préparé. Hein. Ouais, moi non plus. Et comment on fait alors du coup? Parce qu'il y a une émission là. Qui c'est qu'on appelle? Eh ben on appelle Yannick. Yannick, salut t'es les là amis. Ouais. Donc voilà, il y a Yannick Akadalas qui a tout géré. C'est pas trop la classe ça? Comment tu vas? Ça va, très bien, et vous? Eh ben, ça va, parfaitement. Ça va, ouais. ça va. Je me permets de dire, Bibounette, tu es très en beauté. Oh ah, tu m'as volé mon truc. Toi aussi, tu veux un cadeau? Tu as raison, tu as raison. Ah mais je vais pas faire des cadeaux comme ça tout le temps, c'est pas possible. Donc en fait, ouais, pour cet épisode, on a décidé un peu de sortir de notre, notre marathon psycho qu'on a fait. C'est vrai qu'il a fait du bien à tout le monde. C'est vrai qu'écouter un petit peu de musique dans cette période, ça a décrassé les artères, ça a fait du bien. Et puis là, on s'est dit, tiens, un petit quiz entre amis, ça fait du bien. Comme on avait fait l'année dernière, un petit quiz cinéma ce coup-ci. C'est ça et Yannick. Et c'est pour ça qu'on a fait appel oui. à Yannick. Oui. Ouais, ouais, ouais. Oui. Et du coup, c'est Yannick qui a tout préparé. Oui. Tout préparé, de tout A à préparé Z. Tout préparé de A à Z. Bah écoute, moi j'ai envie de te dire, Bibou, bah, laissons Yannick expliquer aux auditeurs et aux auditrices ce qui les attend. Alors juste pour rappeler aux auditeurs, Yannick, on avait déjà fait appel à toi l'année dernière pour un quiz cinéma, justement, où tu avais préparé des questions que moi j'avais posées à Bibounette. Tout à fait, oui. Ouais. D'où le Pulp Fiction Gate aussi, où j'ai réussi exactement, à piéger ouais. Bibounette. Exactement, exactement, je m'en souviens très très bien. Ne t'inquiète pas Fanny, j'ai prévu une revanche pour toi. Ah, ça c'est très gentil. Merci beaucoup Yannick. Bah écoute, je te laisse la main, je te laisse la place maintenant. C'est toi le maestro. Oh, merci beaucoup. Eh ben en fait, ce sera tout simple. J'ai prévu des questions comme vous avez l'habitude de faire. Mm-hmm. À la Jean-Pierre Foucault, hein, une question, quatre possibilités. Il n'y aura par contre que deux jokers. D'accord. Puisqu'il n'y aura que 15 questions classiques, donc on restera sur... Vous avez droit en fait à 2 50-50 chacun. D'accord. Ah, ce sera plus simple. Et j'ai prévu 5 questions un petit peu particulières. J'ai été piqué des idées à droite à gauche sur d'autres jeux. Et donc vous allez avoir droit à des petites questions particulières. Vous allez avoir droit à un quiz musical même. Ouais. Ça nous fera une petite récréation au milieu du quiz. Ah, à écouter un peu de musique. Ça va être bien ça. Voilà. Et puis voilà, rien d'extraordinaire, mais histoire de changer un tout petit peu des questions traditionnelles. Tout à fait, tout à fait. Quand tu dis qu'on a deux jokers, c'est deux jokers sur toutes les questions. Non, pas sur les questions particulières, où il ne peut pas y avoir deux jokers. Ce sera sur les 15, les 15 questions jokers, classiques. Voilà, on a deux jokers pour 15 questions. Voilà, c'est pour ça que vous n'en avez que on deux. On est d'accord. Ok, voilà. Non, mais déjà que ce sera plutôt facile, je pense. Donc, oui, c'est ce que j'allais dire. Je ne pense même pas avoir besoin de jokers personnellement. Mais, oh là là, oh là là. Tu tentes le coup? Ça enregistre. Magnéto. Magnéto. On dirait un peu les boxeurs, tu sais, avant qu'ils fassent un combat, il y a une sorte de truc de presse, tu sais, ouais, où ils sont là ça. En train de s'envoyer des pics devant les, c'est exactement les ça. Journalistes. Je déteste ton motage Rocky parce que c'est moi Rocky, ok? Ah, bah, si tu veux, ouais. Peu importe. De toute façon, on l'a dérouillé. Bon, moi. Bah parfait, c'est un épisode où on a absolument rien fait, on a fait des gros feignants. Et ouais. Moi, ça me va. Bah, moi, ça me va aussi, c'est un peu bizarre. Je pas pouvoir contrôler, pas pouvoir... Mais après, j'ai pleinement confiance en Yannick et je me dis que franchement, en plus, il a énormément bossé. T'as bien travaillé, ouais. Vu. Donc là, j'ai hâte de voir le résultat de tout son travail et je pense que lui aussi. Oui. Bah écoutez, oui. Est-ce que ça vous dit qu'on... Il y a quelques questions, j'ai hâte de vous les poser. Parce oui, que... bah nous aussi. Tu m'étonnes. Oui. Eh ben, on y va. Ouais, on est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Générique. Générique. Allez. Thank you. Bon bah c'est bien, à toi. Voilà. Yannick, va te laisser commencer. C'est parti. On commence par un petit jeu. Allez. Un petit jeu tout simple. Hein. Pour commencer, je vais vous donner un thème. D'accord. Il va me falloir me donner chacun votre tour un film qui a un rapport avec ce thème. D'accord. Le premier qui ne me donne pas une réponse suffisamment rapidement, donc il faut que ça enchaîne, hein, les amis, ouais, hein, ouais, pour ouais, pas ouais, que ouais. ça traîne. Exact. Ouais. Qui me redonne une réponse déjà donnée. D'accord. Ou qui se trompe, oui. A perdu la manche. D'accord. On fait ça en deux manches gagnant. Ok. Ok. Et celui qui gagne deux manches gagne un point. D'accord. Ben moi, je laisse la main. Ah, donc c'est Bibou qui commence. Allez. Ok. Okay. Attends, moi, les trucs de rapidité, c'est pas mon fort. Justement, mais... c'est pour ça que je laisse la main. Bah oui, évidemment, t'as quelques secondes pour réfléchir. Eh oui. Bah, écoute. Mais bon, les premiers sont faciles. D'accord. À trouver. Okay. C'est après que ça va être plus compliqué. Oui ou pas. Alors, le thème, c'est les films ayant un élément de fantasy, de fantastique ou de science-fiction dans la filmographie d'un acteur. Oula, attends. Oula. Waouh. Waouh. Eh oui. Fantasy ou de la science-fiction. Fiction dans la filmographie. Ou du fantastique. Un élément. Il faut que dans le film, il y ait un élément de fantastique, de fantasy ou de science-fiction dans la filmographie d'un acteur. Okay. D'accord. Donc là, tu okay. vas nous parler de l'acteur. Et donc là, je vais vous dire l'acteur. Et okay. ce sera à toi, Bibou, d'enchaîner. Ok. Ok. Ok. Ouais, ok. Ouais, ouais, alors, ça marche. On commence par le premier. Allez. Oui. Ça va être simple. Eh bien, à vous de me trouver des idées de films science-fiction, fantasy ou fantastique de Tom Cruise. Alors, Edge of Tomorrow. Minority Report. La guerre des mondes. Oui. Je suis pas fan de Tom Cruise du tout. Fanny. Fantasy, moi, je dirais c'est chaud là. C'est chaud là. C'est chaud, frère. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, c'est ouais. fini. C'est victoire fini. De Bibou. Ouais. Oh, il en restait plein. Mais ouais, bah ouais. mais là, Tom Cruise. Ah ouais, Tom Cruise, c'est pas évident parce qu'il en a pas fait là. Tant que ça. J'en ai trouvé 8. Ah ouais, quand même. D'accord. Ouais, vous êtes bloqué à. Vous en avez trouvé 3. Mm-hmm. Donc, bravo Bibou. T'en as au moins trouvé 2. Il restait Legend. Ah voilà. Voilà, il restait Entretien avec un vampire. Mais oui. Ah oui. Il restait Vanilla Sky. Mais oui. Il restait Oblivion. Et La Momie. Mais oui. Ah, mais... La Momie, j'avais occulté ce film. Alors... Oui, c'est vrai. Oui, d'ailleurs, beaucoup ont dû occulter ce film, je ouais, pense. Ouais, ouais. Ah, j'ai presque honte, tu vois, pour Vanilla Sky. C'est un film que j'adore. Donc... Ah ouais, ouais. ouais. ouais. Bon, bah écoute. Mais bon, c'est le côté rapidité, il faut trouver vite qui est c'est plus. C'est ça, je pense que c'est compliqué. Ça qui m'a stressé. Bon, bah c'est le premier point pour Bibou, hein, si je ne me voilà. trompe pas. Première manche pour Bibou. Si tu gagnes la deuxième manche, ça te fait un premier point. Ok. Ok. Ah oui, c'est vrai, pardon. Et oui, c'est en deux manches oui, gagnantes. Oui, oui, bon, oui. bon, on va laisser une petite chance à Fanny. Oui, quand même, ouais. s'il te plaît. Hein. Voilà. On attaque par le deuxième acteur. Vas-y. Ça sera peut-être un peu plus simple au début. Ça va être un petit peu plus long, mais on va parler de Arnold Schwarzenegger. Alors, Fanny, c'est à toi. Terminator 2. Oui. Bon, je veux dire Terminator 1. Terminator oui. 3. Oui. oui, d'accord. Alors, je vais Total Recall. Last Action Hero. Oui. Attends. Ah, c'est chaud. Pause. Non. Tic-tac. C'est pas possible. Non, je suis bloqué sur un film. Tu vois. Et c'est une victoire de oh Fanny. Tu vois, oh c'est chiant le tic-tac là. Tu bloques sur un truc. En fait, je suis bloqué. Je suis resté bloqué sur un film et du coup, mon esprit était. Enfin, j'arrivais pas à chercher là-dessus. Les autres. Ouais. Oh là, et vous en manquez plein. Mais c'est évidemment. Et il vous a manqué Hercule à New York. Ouais. Il vous a manqué les deux Conan. Ouais, oui. Et il a manqué Red Sonja ou Kalidor comme en français. Ah, il vous sûr, a manqué ouais. et c'est inadmissible Predator. Oh là là. On a Running Man, mais on oui. a Junior, il est enceinte. Exact. Et il vous a manqué Batman et Robin. Mais bien sûr. La fin des temps. C'est vrai que je suis parti dans la science-fiction et j'ai pas... Oui. Ouais, ok. Il restait aussi à l'aube du sixième jour. Tout à fait. Maggie... On aurait pu citer Daylight, alors du coup, comme c'est de la science... Mais c'est avec Stallone, Daylight. C'est avec Stallone. Oui, c'est avec Stallone, ouais. Mais la fin des temps, il y a le diable. Dans Daylight, il n'y a pas de... Oui, on peut dire science-fiction, oui, éventuellement, ouais, un petit peu. Ouais. Oui. Voilà. Et il a manqué les deux derniers Terminator. Mais en plus, ouais. Mmh. Ah, j'ai cru que vous alliez me les faire. Quand vous avez commencé Terminator 1, 2, 3, je dis c'est bon, les deux autres vont suivre. C'était trop facile. Quand j'ai dit 3, je me suis dit il va continuer, mais non, s'est arrêté. Non. Bon, bah écoute, c'est un point, c'est un point pour Bibounette. C'est un point, voilà. Une manche chacun. C'est ça. Ça va se décider sur le dernier. Quel suspense. Ouais, quel suspense. Alors, le dernier... Oh bah là, le début va être facile pour vous, mais je pense qu'au bout de quelques-uns, vous allez vite peiner. On va enchaîner sur, donc, toujours fantastique, fantasy, science-fiction, mais avec Monsieur Harrison Ford. Et c'est à... Bah, du coup, c'est à Julien de commencer. Ok. Indiana Jones, je pense que ça passe. Lequel? La dernière croisade. Okay. Ah, Indiana Jones, c'est le temple maudit. Ok. Indiana Jones, c'est l'arche perdue. Oui. Ok. Indiana. Tu cherches le quatrième, c'est ça? Ouais, mais il n'y a pas de quatrième. De facile, la tête de cristal. C'est ça, c'est la tête de cristal? Ah, je te l'accorde. Crâne de cristal. Ouais, crâne de cristal. Okay. Ok, merci. Ok. Un nouvel espoir, Star Wars. Bien sûr. Eh ben, Star Wars, l'Empire contre-attaque. Oui. Le retour du Jedi. Oui. On est en train de tous les faire. Donc, on a fait 1, 2, 3. Eh ben, Star Wars... celui avec... Si tu me donnes le numéro, je l'accepte. Le 6... Non, attends, 1, 2, 3. Ah, 4, 6, le 7, le 7. Allez, vas-y, je te l'accorde. Merci. Je serai gentil avec Julien. D'accord. Ah ouais. Blade Runner. Oui. Blade Runner 2049. Oh, c'est dégueulasse. Il est à peine dedans, le mec dans Blade Runner. Il en pique. Il est dedans. Il compte. Oh merde, j'aurais pas dû dire ça. En fantastique, science-fiction. Ou fantasy. Ou fantasy. E.T. Ah, c'est une scène coupée. Ouais, c'est une scène coupée, quoi. J'avoue. Personne ne le sait, quoi. J'ai que ça. J'ai que ça. C'est mon joker. Non, bah pas E.T. Non, non, mais t'as raison. J'ai tenté au cas où. Allez, vas-y. J'ai été gentil avec Fanny. Je suis gentil avec toi. Maintenant, c'est qui? Attends. Eh, mais il y en a 20 000. Mais c'est sûr. Il y en a trop 20 000, en fait. Il est pas mal, ça. Non, laisse tomber, je vais pas... Tu sais pas? Ah ouais, tout ce qui est rapidité, c'est pas mon fort, en fait. Bon, ouais. Fanny, si t'en trouves un, t'as gagné. Non, je bloque, moi, depuis 2049, et là, avec Kitty, là, j'ai bloqué, là. Tu sais pas? Non. Ok, bon, bah, du coup, ça va faire match nul. Parce que vous bloquez tous les deux Vous avez donné tous les deux autant de bonnes réponses. Donc, ça fera un match nul sur le premier jeu, bon. Allez. Et vous restez Star Wars 9. Bah oui, le 9. Et oui, vous ne me l'avez pas cité. Alors, il apparaît pas beaucoup, mais il apparaît. Non, oui, quand même, ouais. Oui. Bien sûr. Il manquait Apparence, avec Michelle Pfeiffer, avec une histoire un peu de fantôme. Ah oui, exact, ouais. Voilà, qui est un très bon film. J'ai bien aimé ce petit thriller. Bon, en même temps, je suis amoureux de Michelle Pfeiffer, donc je suis un peu... Voilà. Tout le monde aime Michelle Pfeiffer. Tout le monde aime Michelle Pfeiffer. Catwoman, ouais. Et il manquait Cowboy et Envahisseur. Oh putain. Ah, j'avais oublié ce film. D'accord. Et oui, il manquait La Stratégie Ender. Eh ouais. Et il en manquait un autre encore, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. Enfin, peut-être falloir que je le regarde. Il manque un film qui s'appelle Adaline. D'accord. Je ne connais pas. Non, où il joue avec... c'est une jeune femme qui est née au début 20e siècle et qui, suite à un accident, ne vieillit plus. Et donc, navigue entre guillemets à travers les âges et à un moment donné, même dans la bande-annonce, on la voit serrer sa fille qui a au moins 80 ans alors qu'elle a 25 ans. D'accord. Et il joue dedans. Je ne connaissais pas du tout ce film. Ouais, bah pareil. Adaline. Voilà. Bon, bah, Adaline. Ce sera à voir. Ce sera à voir. Ouais, peut-être. Je n'ai pas vu les critiques, donc je ne sais pas si c'est bien ou pas. Mais en tout cas, celui-ci, je ne le connaissais pas. Et normalement, c'est tout. D'accord. Ok. Du coup, tu nous départages maintenant ? Eh bien, du coup, non, parce que ça fait aucun point chacun. Voilà, d'accord. Vous avez zéro. Ok. Ok, très bien. Ou alors, vous avez un point chacun. Au choix, ça ne change pas grand-chose. Et on va dire zéro. Vous n'avez pas réussi à vous départager, je pense, sur celui-là. Bon. C'est pas évident. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ce genre C'est pas évident quand il faut répondre rapidement. Voilà, ouais. Ça serait trop facile. C'est bien, ça met un petit peu de... Un petit peu de stress. Mais c'est ça, un peu de stress, un petit peu de challenge. Tu peux pas te reposer tout le temps sur tes lauriers, quoi. Non. C'est bien, c'est bien. Bon. Allez. Bon, je commence par qui ? Bah allez, je prends la main. Allez, tu prends la main. Fanny. parmi ces quatre titres de films, avec Terence Hill et Bud Spencer. D'accord. Lequel est inventé ? Oui. Donc sur les quatre, d'accord, tu dois me trouver celui qui est, n'existe pas. Nous avons Attention, on va se fâcher. D'accord. Cul et chemise. D'accord. Quand faut y aller, faut y aller. D'accord. Où on a deux mandales ou rien. Alors ceux du milieu, quand faut y aller, faut y aller, ces deux-là, ils existent. Et par contre, le premier, c'était quoi ? Attention, on va se fâcher. Ah, attention, on va se fâcher. Deux mandales ou rien. Bah oui, je parle devant. Je parle devant. C'est quoi, je vais vraiment prendre au pif, je vais prendre deux mandales ou rien. Tu valides deux mandales ou rien ? Ouais. Tu as bien raison. Aha. Puisque Attention, on va se fâcher est un film de 1974. Ouais. Cul et chemise, c'est 1979. Quand faut y aller en 83. Voilà. Et en fait, deux mandales ou rien, c'est un mème qui est apparu sur Internet avec la série Le Mandalorien. Ah voilà, ah, de okay. Mandale ou rien. Okay. Voilà, on les voit tous les deux avec un fond Star Wars. Et... Excellent. Et donc voilà. Mais ça c'est très type de film de Spencer. Et... Ah bah moi quand, ouais, quand il est sorti ce même, j'étais fou, vous voyez, extraordinaire. En plus j'adore les Terence Hill et Bud Spencer, c'est vraiment les films de mon enfance. Donc, trop bien, il y a Bibou, il vient de me faire un poussin haut pour me féliciter. Ouais, trop et bien. Ben, un premier point pour Fanny. Ouh, bien joué. Ça y est. Ça y est. J'ouvre les hosties. Allez, à mon tour. Allez, à ton tour, Bibou. Bibou. alors, celui-là. Quelle est la couleur de la planète Yavin dans Star Wars ? Est-ce qu'elle est bleue ? Est-ce qu'elle est rouge ? Est-ce qu'elle est verte ? Ou est-ce qu'elle est jaune ? Tu n'es pas chronométré, bébé. Respire. Non, tu réfléchis. Quelle est la couleur de la planète Yavin ? Alors, faut déjà que j'arrive à resituer la planète Yavin. Et tu vas pas me donner plus d'informations, j'imagine, dessus. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Bah, bien sûr que non. Faut que ça fasse appel à ta mémoire. Alors, ou par bleu, élimination. Je pense pas. Parce qu'il y a des planètes bleues, tu sais, que tu connais. Redis-moi une dernière fois les couleurs. Alors, bleu, ouais. Rouge, verte ou jaune. Je dirais comme ça qu'elle est jaune. Bleu, ça m'étonnerait, rouge aussi. Aha. J'ai pas beaucoup d'idées. Je vais partir sur jaune, en fait. Tu pars sur jaune ? Ouais, je vais valider jaune. C'est une mauvaise réponse. Oh non ! Eh oui, Yavin, c'est une planète gazeuse. D'accord. Qui est rouge. Et c'est Yavin 4, la lune des 26 lunes de Yavin, qui est plutôt forestière, là où se passe donc la fin de l'épisode 4, la bataille de Yavin. D'accord. Et la Yavin 4 qui est plutôt verte, puisqu'on est plutôt sur une lune forestière. Et donc Yavin, la planète autour qui est rouge. Et Yavin 4 justement qui est forestière, c'est pas celle-là où il y a les Ewoks dessus non, ils... non, c'est pas celle-là. Non, c'est Ender, ouais. C'est mais Yavin 4 est plutôt une planète plutôt verte, enfin une lune verte. Une lune verte, ok. Ouais. Ok. Bon bah écoute. Bon bah bien joué. Ouais. Bon, et eh ben pas de points. C'est pour ça que tu me demandais si je m'y connaissais un peu en Star Wars. Oui, plus ou moins, oui, il y avait ça aussi, voilà. C'est bon, en fait. C'est bon, en fait. Celle-là, elle n'était pas forcément évidente, évidemment. Non, pas du tout, non. Non, pas du tout. Ok. Voilà. Toujours un pour Fanny, zéro pour Julie. Oui. rigole, Fanny, tu rigoleras ouais, moins. C'est ça, je rigole. D'ailleurs, pendant, oui. pendant qu'on y est, hein, tu vas moins rigoler sur celle-là. Bibounette. Oui. Lequel de ces quatre géants oui. n'a jamais tourné avec Martin Scorsese. D'accord. Je vais te donner quatre acteurs. Ouais. Dis-moi lequel qui n'a jamais tourné avec le maître. On est prêt. Paul Newman. Ok. Robert Redford. Ok. David Bowie. Ok. Ou Daniel Day-Lewis. Alors, Daniel Day-Lewis, oui. Robert Redford, oui. putain, je crois que c'est Bowie. Je vais suivre mon instinct. Oui. Ouais, c'est Bowie qui a pas tourné avec Scorsese. Tu valides Bowie ? Ouais, je valide Bowie. Et c'est une mauvaise réponse. Ah, ouais, dans quel film il a tourné avec Bowie ? Il a tourné avec Bowie parce que... Il a fait jouer Bowie, ouais. Il a fait jouer le grand David Bowie. Il joue le rôle de Ponce Pilate dans La Dernière Tentation du Christ. Oh putain ! Ok. Et c'est Robert Redford. Robert Redford, d'accord. Paul Newman, c'est dans La Couleur de l'Argent avec Tom Cruise. D'accord, ouais. Et Daniel Day-Lewis, c'est dans Le Temps de l'Innocence. Ouais, j'avais Daniel Day-Lewis, Paul Newman aussi. Pour moi, c'était soit Robert Redford, soit Bowie. Et j'arrivais pas à resituer Bowie dans la filmo de Scorsese, quoi. Ok, bon, ben, je vais revoir La Tentation du Christ, juste pour revoir Bowie en Juste pour revoir Bowie en pensée. Ah ouais, grave. Merci en tout cas. Bon, c'est un... Je suis déçue de ne pas avoir le point, mais en même temps, j'ai appris quelque chose. Donc, voilà. C'est pas grave. Elle était exprès pour toi avec Bowie, cette question. Ah, ça, c'est trop adorable. Merci, Yannick. Ah bah oui, on partage la même passion et l'amour pour David. Donc, David. David. Ah, David. Il nous manque. Oh, mon... <Ouais. rire> Le mois de janvier, tous les ans, est triste pour moi. Ah oui, ouais. Complètement. Ouais. Tu es prêt, Bibou ? Je suis prêt. Alors, laquelle de ces quatre anecdotes sur la trilogie Indiana Jones, car oui, c'est une trilogie, il n'existe pas de quatrième film, on est bien d'accord ? On est bien d'accord. Donc, laquelle de ces quatre anecdotes est fausse ? Mm-hmm. Ok. Première anecdote. Dans l'Arche perdue, Indiana ne sert à rien, car s'il n'est pas là, les nazis découvrent l'Arche par eux-mêmes et finissent par mourir de la même façon. Donc Indy ne sert strictement à rien dans le premier film. D'accord ? Deuxième anecdote. Sur le tournage du Temple Maudit, à un moment donné, Indiana Jones est donc attaché, quand il est fait prisonnier par... j'ai perdu le nom du méchant. Et au moment du tournage, Barbara Streisand, habillée de cuir noir, est arrivée sur le plateau et a commencé à fouetter Harrison Ford alors qu'il était enchaîné à un rocher. Ok. Ouais. C'est gros. Troisième anecdote. Si Indiana abat le guerrier au sabre avec son pistolet, c'est qu'il était trop malade pour tourner la scène de combat, donc un coup de feu et c'est réglé. Ça c'était la troisième. Et la quatrième anecdote, c'est que on peut voir le club Obi-Wan au début du Temple Maudit. Alors. De ces quatre n'existe pas. Tu veux que je te les redise rapidement ? Si tu veux. Alors le truc, c'est que je les ai toutes en tête, mais j'ai l'impression qu'elles sont toutes vraies. Eh oui. Ouais. Alors, donc la première, Indiana Jones ne sert à rien dans le premier film. D'accord. Barbara Streisand est arrivée habillée en cuir noir et qui fouette Indiana. Ouais. Indiana étant trop malade pour tourner la scène de combat face au guerrier au sabre, il a été décidé de l'abattre avec un coup de feu. Ça, c'est vrai. Et le dernier... On peut voir donc le club Obi-Wan au tout début du Temple Maudit, là où il y a la grande bagarre à la recherche du diamant. Ça s'appelle donc le club Obi-Wan. Je crois que c'est vrai. Donc je vais partir sur Barbara Streisand, parce que la première est vraie aussi. Tu valides la Barbara Streisand ? Ouais, je pars sur celle-là. Je n'ai jamais entendu parler de cette histoire, pourtant... C'est une mauvaise réponse. C'est vrai. Et Barbara Streisand est arrivée habillée en cuir noir, a commencé à fouetter Harrison Ford en lui hurlant dessus. Il venait de tourner un film qui était une grosse daube, et apparemment elle lui a hurlé dessus en disant que ce film était le pire film qu'elle ait jamais vu. Ah ouais, okay. Et il y a Carrie Fisher qui est arrivée pour se mettre devant Harrison Ford pour le protéger, et nous avons même à ce moment-là Irvin Kirchner qui s'est pointé sur le plateau et qui, en rigolant, a dit, en regardant Steven Spielberg, il a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Si c'était moi le réalisateur, ça se passerait pas comme ça. » Excellent. La vidéo existe sur YouTube. Je l'ai pas vue, mais il paraît qu'elle est de très très mauvaise qualité, qu'on reconnaît personne, mais la vidéo existe. D'accord. Et en fait, il fallait dire que dans L'Arche perdue, Indiana Jones ne sert à rien. Ce qui est faux. Et j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Parce qu'il y a des grandes théories qui parlent de ça. Tout à fait. Ouais. Et c'est une théorie qui est fausse. J'ai entendu ça dans un podcast très récent. D'ailleurs, j'avais peur que tu l'aies écouté aussi. Nous avons Patrice Giraud qui travaillait à Lucasfilm Magazine, qui était dans un podcast sur Indiana Jones, et qui a dit en fait que cette anecdote est complètement fausse, parce que si les nazis récupèrent le médaillon plutôt que de l'avoir imprimé dans la chair, il a donc accès à la deuxième face du médaillon, et sur la deuxième face, c'est indiqué qu'il faut fermer les yeux. Ah. Et c'est comme ça qu'Indiana Jones, à la fin, sait qu'il faut fermer les yeux. Apparemment, c'est dans une scène coupée du film. Et en fin de compte, cette histoire, cette anecdote qu'on entend et que moi, j'ai entendue depuis des années et des années, est fausse. D'accord. Du coup, Il manquait la deuxième face du médaillon. Pour il manquait la deuxième face. D'accord. Sur la deuxième face, il y avait là une distance supplémentaire pour le bâton, parce que le bâton n'était pas assez grand. C'est pour ça que les nazis ne trouvent pas l'arche au bon endroit. Mais et il y avait aussi l'indication comme quoi il fallait fermer les yeux. D'accord. C'est donc une mauvaise réponse. Et bah, tu m'as bien eu sur celle-là, ouais. Okay. Ah bah, tu n'as toujours pas de points, dit-on, Bibi. Et non. J'ai toujours pas de points. Toujours pas de points. Par contre, t'as vu ? Moi, oui, j'ai tu un as bâton. Un point. Oui, bah, oui. Au final, vous allez finir à 2 points contre 3 à la fin. Non, il y a des questions plus faciles après. Ah ouais, ce que tu me disais, ça va être très facile, mais... Oui. C'est bien aussi un peu. Ah, il y a des... y en a qui vont être faciles, mais il y en a d'autres qui vont être un petit peu plus compliqués. D'accord. Ok, très bien. Nous arrivons à la 4e question. Yes. Un bibounette. Oui, Yannick. Lequel de ces 4 acteurs oui. a eu un Oscar du meilleur acteur dans un premier rôle? Premier rôle. Oh. Voilà. Et les 3 autres, ce sont que des gros losers. Losers. Nous avons donc dans les 4 acteurs Robert Redford. D'accord. Cary Grant. Ouais. Matt Damon. Ouais. Ou Gary Cooper. Pop. Eh ben, je vais garder tous les anciens et je vais virer Matt Damon. Ah non, Matt Damon dans Will Hunting, je crois qu'il l'a eu. Ah putain. Gary Cooper. Bon, allez hop. Je prends Gary Cooper, au hasard, vraiment. Au hasard, Gary Cooper. Ouais, allez. Et c'est une bonne réponse. Yes. Au hasard, quoi. À une chance sur 4. Robert Redford a eu un Oscar d'honneur, a eu un Oscar du meilleur réalisateur. D'accord. Et a été nommé une seule fois à l'Oscar du meilleur acteur pour L'Arnaque en 1974. Ok. Gary Grant a 2 nominations à l'Oscar et a eu un Oscar d'honneur en 1970. Ok. Matt Damon, t'as raison, il a eu un Oscar, mais pour le meilleur scénario. Ah, voilà. Pour Will Hunting. Voilà. Par contre, il a 3 nominations aux Oscars. Il a Seul sur Mars, Invictus et Will Hunting. Ouais. Ok. Et Gary Cooper a eu 2 Oscars. D'ailleurs, il n'en a pas eu un, il en a eu 2. Exactement. Le train sifflera 3 fois. Et Autant l'emporte le vent. Et non, Sergent York. Ah, Sergent York. Ok. Ouais. Bon, bah écoute, ça me fait quand même mon 2e point grâce à Gary Cooper. Voilà. Et là... ça va, Bibou? Allez, des questions faciles pour Bibou maintenant. Alors, ce sera pas pour celle-là. Ah. Ce sera pour après. Bibou, oui. Dans La couleur de l'argent de Martin Scorsese en 1986, oui. Tu l'as vu? Ouais, ça fait longtemps, mais je l'ai vu. Ouais. Ok, donc c'est bon. J'avais peur que tu ne l'aies pas vu. Qui gagne l'affrontement entre Vincent, Tom Cruise, et Eddie, Paul Newman, pendant le tournoi final à Atlantic City? Oh là là là là. Est-ce que c'est Vincent, donc Tom Cruise? Est-ce que c'est Eddie, Paul Newman? Est-ce qu'il y a un match nul? Ou est-ce que... Quel tournoi? Mais il n'y a pas de tournoi dans ce film. Ah, c'est dégueulasse de faire ça. C'est dégueulasse. Ou Obi-Wan Kenobi. Ou Obi-Wan Kenobi. Ça m'embête un peu de faire un joker là-dessus, parce que ça ne va pas m'aider au final. Ah ouais, en plus, te dire que... Mais de quel tournoi tu parles? Il n'y a pas de tournoi dans ce film, en fait, Yannick. T'as deux jokers, hein, à toi de les gérer comme tu veux. Tu vas vraiment prendre ça comme réponse? Ah, c'est possible en même temps. De quel tournoi tu parles? Ouais. Je sais pas, je l'ai pas vu. Je l'ai vu il y a très longtemps. Moi, je l'ai pas vu, moi, celui-là. Ouais. Oh, tu loues quelque chose, Fanny. Ah, ben c'est bien, ça me fait des films. Je l'ai vu il y a très longtemps. Ah, je suis tenté de dire qu'il n'y a pas de tournoi, en fait. C'est quoi, je vais valider ça. Tu suis ton instinct. Je en suis fait. Mon instinct. D'accord. Même si je vais me planter, c'est sûr. Et c'est une mauvaise réponse. Bah... Justement, il y a un tournoi final à Atlantic City. Ok. Et c'est Paul Newman qui gagne, voire même, je dirais plutôt que c'est Vincent qui fait exprès de perdre pour truquer les paris. D'accord. Ok, bah tu vois, je me souviens pas de la. Donc Fanny, t'as oublié ce que je viens de dire quand tu vas oui, regarder non, film. Oui, mais voilà. Okay, voilà. De quoi vous parliez déjà ? De rien du tout. Voilà, c'est très bien. De rien du tout. Et voilà, okay, donc bah, toujours 0 points. Toujours 0. Et 2 pour Fanny. Je vais revenir, t'inquiète pas. Oui, tu vas revenir. Oui, il y en a d'autres qui seront plus... ou pas. Plus simples ou pas du tout, on verra. Ok. On passe à un petit jeu ? Cinquième question, ouais. Un petit Allez. Jeu ? Allez, un petit jeu, Yannick. Un petit jeu. Jeu style question pour un champion. D'accord. Je vais vous donner un thème et je vais, par rapport à ce thème, vous lire une petite biographie que j'ai très humblement écrite l'autre soir, vers 1h du matin, au milieu de la nuit. D'où il y a des moments, ça va peut-être partir un peu bizarre, mais c'est pas grave. D'accord. Voilà. Et donc, question de rapidité. Le premier qui me donne une réponse aura gagné une manche. Ok. J'en ai prévu 7. Ça va aller plutôt vite. Oui. Puisque vous oui. pouvez m'interrompre à tout moment. Et alors, vous voulez faire comment ? Vous dites votre prénom et après, le premier qui me donne son prénom peut répondre. Prénom ou pseudo ? Comme vous voulez. Oh, pseudo, c'est bien. Pseudo, bah, le pseudo, mien est plus long. Alors, le mien est plus rapide, donc ça marche. Non, bah alors on va prendre Fanny et Julien. Comme ça, voilà. C'est deux prénoms. Ça marche, ouais. C'est voilà. deux prénoms. Ok. Pas le soucis. Thème. Nous avons donc les compositeurs de musique de film. Ah. Oh. Oh. Il va être... Là, ça, il va ça être me plaît, fort, ça. Là. Ça, là, il est content, là. Là, il jubile. Là. On ne te laisse pas impressionner, Fanny. Non, je ne me laisse pas impressionner. Voilà. Vous je ne regarde même pas. Voilà. Tu le pinces s'il faut pour le déconcentrer. Non, il est en face de moi, mais là, je viens de mettre ma main, je le vois pas. D'accord. J'ai mis ma main sur son visage, je ne vois que son corps. Ça va peut-être pas t'aider non plus. Ça me perturbe aussi, je vais mettre deux mains, t'as raison. Ouais. Allez, on y va, on est prêt. On est parti ? On y on va. On est parti pour le premier. Alors, je suis un compositeur de musique de film et de série, né en mai 1953 à Los Angeles. Ancien meneur d'un groupe de New Wave nommé The Mystic Night of Wango Wango, je suis notamment le compositeur fidèle de deux grands réalisateurs au style si particulier. Fanny. Je t'en prie. Newman. J'ai pas entendu. Bah non, ça va pas. Newman. Julien. J'ai le droit du coup. Oui. Danny Elfman. Danny Elfman. Ouais, bien dit joué. Newman. Dans ta face. Une ah mais c'est en plusieurs manches. Hein. Ouais je sais. Bah oui. Bah, ouais. Ah bah du coup bon bah, j'avais écrit plein de choses. J'ai fait mon travail, je pourrais pas le lire. Oh non bah si, si Julien Lepers fini. Julien voilà. Lepers fini donc vas-y. Termine. D'ailleurs c'est plus Julien Lepers, c'est Samuel Etienne. C'est Samuel Etienne. J'ai composé peut-être l'un des génériques de dessins animés les plus connus au monde dont les personnages terminent toujours assis dans leur canapé. Compositeur attitré de Tim Burton et Sam Raimi, j'ai à mon actif des films comme Batman, Edouard Romain d'Argent, Spider-Man et bientôt Doctor Strange 2. Je suis Danny Elfman. Bien joué, bien Julien. Joué. Bien joué. Je me souvenais du truc du groupe de New Wave, en fait. Alors là, moi, ouais, je ne connaissais pas du tout. En même temps, il a une tête à être musicien de New Wave. Oui. Donc, c'est peut-être ça aussi qui m'a... Mais, ouais, bien joué là, chapeau. Okay. Aussi rapidement, chapeau. Vous êtes prêts pour le deuxième ? Oui. On est prêts. Alors, je suis un compositeur de films américain d'origine italienne, né en 1950 à New York. Je suis compositeur attitré d'un réalisateur génial, connu pour sa contribution au cinéma dit pop culture des années 80 et 90, et toujours capable aujourd'hui de faire des films incroyables. J'ai travaillé aussi bien avec John McTiernan pour Predator, Sam Raimi pour Mort ou Vif, que pour James Cameron pour Abyss et Aliens. Et même le grand Steven Spielberg pour le pas top top Ready Player One. Deux de mes derniers films ont fait dans les plus gros chiffres. Julien. Oui. Alan Silvestri. Joli. Putain. Oh. Il est fort. Il, ah, est, là, fort il est fort en compo. Il alors est... c'est à Ready Player One. J'aurais dû le savoir avant, mais c'est là que je l'ai su. Ouais. Okay. Ouais. Et donc, deux de mes derniers films ont fait dans les plus gros chiffres du box-office mondial, mais je vais bientôt pouvoir retrouver mon réalisateur fétiche. Pour Pinocchio, ma partition la plus réussie restera celle de Retour vers le futur de mon ami Zemeckis. Je suis Alan Silvestri. Bien joué. Merci. Ça va être peut-être un massacre. Un peu, ouais, je pense. Mais avec les compos musiciens, ouais, Julien, il est oui, fort. Ouais, ouais. Là, c'est vraiment un thème spécial pour toi. Désolé, Fanny. Non, c'est pas grave. Je m'incline devant Julien. C'est une. Voilà. Bon. Alors, on fait le troisième. Donc, c'est en trois manches gagnantes, hein, c'est ça? Il y en a sept, ce sera en quatre. D'accord. Ok. Alors, le troisième. Je suis un compositeur américain né en 1953 à Los Angeles et décédé en 2015 dans un accident d'avion. Mon dernier film sur lequel j'ai travaillé, le remake des Sept Mercenaires d'Antoine Fuqua, me sera d'ailleurs dédié. Compositeur à trois reprises, avec trois nominations aux Oscars à la clé, ce qui se peut, avec le réalisateur qui est considéré par Draven de 24fps comme presque un dieu. Je devais faire les suites d'Avatar, dont j'ai composé la musique, mais ce con prend beaucoup trop de temps pour faire des films. J'ai travaillé avec Ron Howard pour Cocoon, Jean-Jacques Hano pour Le Nom de la Rose, et aussi avec Mel Gibson sur l'incroyable Braveheart. Ma partition la plus connue est peut-être celle de Titanic, qui m'a valu deux Oscars, dont celui de la meilleure chanson, qui avant Libéré, délivré, a cassé le plus d'oreilles au monde, My Heart Will Go On. Je suis... Tu es. J'arrive tu pas. Es. J'ai le nom sur la langue. Ouais, moi aussi, je l'ai pas. Ouais, vous l'avez pas ouais. Vous l'avez pas c'est... Ça va m'énerver hein, quand tu vas me dire. J'imagine. James Horner. Ouais. Ah ben oui, ok. C'est au moment de l'accident d'avion. Oui. Ouais, ok. Ah putain, je suis dégoûté. Oui. Dégoûté. Voilà, vous allez vous rattraper sur les autres. Ou pas. On verra. Au passage, petit coucou à Draven. Je voulais le placer quelque part dans ce quiz. Bah, bien joué. Voilà. vous êtes prêts pour le quatrième ? On est prêts. Toujours deux manches à zéro pour Julien. Je suis un compositeur grec né en 1943, connu dans les domaines New Age et électronique, dont je suis reconnu comme l'un des pionniers au cours des années 1970, au même titre que Jean-Michel Jarre. En 1968, avec Demis Roussos, avec qui je partagerai plus tard un certain embonpoint points et des poils un peu partout, je monte le groupe Aphrodite Childs, dans lequel je suis le claviériste. Après avoir composé la musique de plusieurs films pas trop connus, d'ailleurs peu ont une fiche wiki, je suis reconnu par mes pairs en 1981 pour mon travail sur Les Chariots de Feu, où je gagne l'Oscar de la meilleure musique du film. Oh là là. Puis j'enchaîne avec Missing de Costa Grava, Blade Runner, 1492 de Ridley Scott et Alexandre d'Oliver Stone. Je suis... J'en ai aucune idée. Aucune idée. Oui. Les chariots de feu, ça vous dit rien ? Bah si, si, le ça film. Nous parle, ah, oui, mais... Ah oui, et la musique extra... 1492. Bah oui. Vas-y, dis. C'est Vangelis. Ah, Vangelis, mais évidemment. Mais oui. Évidemment, ok. Ah là, j'ai été nul. Ah ouais, non, mais là, ça fait deux fois, là. Nul. Mais t'es fort, hein. Bah, c'est enfin, bien, c'est... la question bien, mais nous, les nul. Les questions bien, ouais, mais nous, c'est... nul. Bah, nul c'est dur à trouver. C'est dur à trouver quand on l'a pas sous les yeux, effectivement. Alors là, celui-là, vous allez vous jeter dessus. Ah, okay. Ah oui, vous êtes prêts Julien. Fanny. Je suis un réalisateur, scénariste, producteur, compositeur et demi-dieu américain né en 1948 à New York. Ma carrière s'étale sur près de 4 décennies et j'ai composé la plupart des musiques de mes films avec mon synthétiseur comme instrument de prédilection. J'œuvre plus particulièrement dans les genres horreur et science-fiction avec d'innombrables films cultes dans lesquels j'aime critiquer la société américaine, notamment dans Invasion Los Angeles. Réalisateur et compositeur de Halloween. Ah bah Julien. Bah oui. Carpenter. Bah oui, Carpenter. Bah oui. J'étais perturbé au début quand t'as commencé par Je suis réalisateur. Ouais, moi pareil. Et puis oui. Après. Mais oui, c'est vrai que bah oui, oui. Il fait des super BO de films. Ouais. Ouais, bon, ouais. Bah voilà. La tollée que je viens de me prendre, quoi. Putain. Ah bah trois. Voilà. Et il m'en reste deux. Ouais, bah donc, allez, dans, tous les, cas, grâce, dans tous les cas, malheureusement, Fanny, tu ne pourras pas revenir, mais on va les faire pour le plaisir. Exactement. Bien joué, Julien. Merci. Alors, celui-ci, on va rigoler. Je suis un compositeur français de musique de film, né à Paris le 23 août 1961, où il fait d'ailleurs plutôt beau ce jour-là, mais pas très chaud, avec une température moyenne de 16,9 degrés, ce qui est bien, mais pas top quand même. Ouais, ça me dit un truc, ça. J'ai commencé... Oui, c'est la cité de... C'est... Oui, c'était d'accord. C'est bien, mais pas top. Voilà, c'était très 13, tard. 13, 14. Ouais. J'ai commencé ma carrière avec plusieurs films et téléfilms français où j'ai pu collaborer avec des réalisateurs de talent, comme Jacques Audiard à plusieurs reprises, Philippe de Broca. Fanny ? Oui. Ludovico Einaudi ? Non. Non, il est italien en plus. Philippe de Broca, Patrice Leconte, Jacques Weber et Florian Emilio Siri, Chercher l'intrus. J'ai commencé à travailler à l'international avec le film La jeune fille à la perle et depuis j'enchaîne films français et étrangers avec des collaborations de prestige. David Fincher pour Benjamin Button, oui. Desplat. Oui, bien joué. Il a encore eu des Césars, lui. Mm. Ouais. Ouais. Donc, on a Wes Anderson, Catherine Bigelow, George Clooney, Wim Wenders, Luc Besson et Guillermo del Toro, avec lequel j'ai eu mon deuxième Oscar pour La forme de l'eau. Je suis ouais. Alexandre Desplat ou Desplat, je ne sais pas comment. Desplat. Les deux se disent. Les deux peuvent se dire. Mais c'est quelqu'un qui a l'air assez productif. Il est même capable de faire deux soundtracks en un an, voire trois. Enfin, c'est... Oui, c'est impressionnant. Quand c'est tu regardes la liste de tout ce qu'il a fait, c'est assez incroyable. Ouais. Mmh. C'est des mecs qui sont assez impressionnants quand même. Le dernier pour la gloire. Allez, Fanny, pour la gloire. Ouais, pour la gloire, pour l'honneur. Pour l'honneur. L'honneur. Je suis un compositeur de Fanny. Films. Fanny. Oui. Hans Zimmer. Non. Bien tenté. C'est trop facile. Mais ça. Je l'ai pas mis parce qu'il était trop facile. Il y en a un autre que j'ai pas mis dans le même genre, mais il y en a deux autres que j'ai pas mis. T'imagines s'il aurait dit oui là ? Ah ouais. Bam. Bim. Non. C'est pas Hans Zimmer, c'est pas John Williams. Bah c'est ça quoi. Et c'est pas le grand Ennio non plus, parce que né à Rome en 48, ça aurait été trop facile. Exactement. Voilà. Alors, je suis un compositeur de films et de jeux vidéo américains, né en 1967 dans le New Jersey. Je me fais remarquer dans les années 90 en composant des musiques de jeux vidéo comme Le Monde Perdu en 97 et notamment la série Medal of Honor de 99 à 2007. Je travaille beaucoup avec Pixar, avec qui j'ai composé de nombreux scores comme Les Indestructibles, Ratatouille et surtout Là-haut, grâce auquel j'ai obtenu un Oscar. Julien ? Oui ? Est-ce que c'est Randy Newman, c'est ça ? Non. Non, c'est pas un Randy, donc non. Compositeur quasi attitré du réalisateur abusant le plus du lens flare, vous savez, cette aberration optique due à une diffusion parasite de la lumière à l'intérieur d'un objectif. Mm-hmm. J'ai nommé J.J. Abrams, pour lequel j'ai fait Mission Impossible 3, Le Renouveau de Star Trek et Super 8. J'adore ce film, Super 8, c'est génial. Ayant beaucoup travaillé pour Pixar, je bosse maintenant avec le démon Disney, avec qui j'ai fait du très très bon travail, car la musique de Rogue One, elle déchire quand même un peu. Mais aussi Doctor Strange, les derniers Spider-Man. Je suis. Oh, je sèche. Complètement. Je dois le connaître sûrement, mais là, oh, je sèche. Je l'ai pas. C'est Michael Giacchino. Ah, oui, ok. Eh oui. Okay, ah, okay. J'ai séché. À celui-là, il était dur. Ah, je suis. Ouais, par contre, il fait des musiques assez incroyables parce que le boulot sur Rogue One, pour passer derrière John Williams. Et faire un truc assez balèze, chapeau. Ouais, faut déjà avoir le courage de passer derrière monsieur, quoi. Ah bah carrément. Vous voulez faire la musique du prochain Star Wars ? Non. Non, je viens pas. Ouais, après... sans faire un vulgaire pastiche. C'est ça. Comme c'est ça a pu déjà être fait, quoi. C'est ça. Bah en tout cas, bravo pour les questions, Yannick. Hein. Franchement, elles sont. Il était sympa ce petit. Ah jeu. C'est sympa. Ouais, et bah tu sais que c'est celui-là, j'ai changé l'idée mercredi. Hein, donc, c'est celui-là que t'as bossé jusqu'à c'est une heure. C'est celui-là que matin. J'ai bossé. Ah, ouais. Ok, d'accord. Oui, oui, ça doit s'entendre à des moments. Je suis parti un petit peu sur deux, trois conneries, mais c'est pas grave. Ouais, mais c'est bien. C'est très, très bien. Non, c'est cool. Bien rock'n'roll. Par contre, entre nous, hein, si Samuel il entend ça, il a peut-être du souci à se faire pour Question pour un champion. Tu crois ? Ouais, parce que franchement, je laisse la main. Machin. Franchement, t'es bon. T'es bon. Il y a peut-être une future carrière dans Question pour un champion. De présentateur. Se peaufine. Peut-être. Ah, ben, on sait jamais. On sait jamais. Ah, ben, il était bien ce petit jeu. Il est. Ouais. Oui. J'ai bien aimé, oui. Ouais. Bravo, Yannick. Bravo. C'est un peu plus long à préparer, mais c'est vraiment très, très rigolo, très intéressant à faire. Ouais. Il faisait chaud, mais pas trop. Hein. C'était pas top. J'ai adoré le petit clin d'œil à la Cité de la Peur. Ça fait un point quand même, parce que personne ne l'a dit. Oui, tu as un point, tout à fait. Ah, bah, voilà. 2-1 pour Fanny. Oui. Même si moi, j'en ai deux. Oui, voilà. Et peut-être bien. Faire un petit bat. Et peut-être bientôt 3. Ah, peut-être. Et peut-être pas, on verra. Et peut-être pas. On verra. Et peut-être pas. Bibounette. Oui. Question numéro 6. Allez, on y va. Dans quel film retrouve-t-on Eddie Murphy, l'un des rois de l'humour, dirigé par Wes Craven, l'un des maîtres de l'horreur. Avec des guillemets, maître. Ouais. Est-ce que c'est dans Le sous-sol de la peur, Est-ce que c'est dans Le Manoir hanté et les 999 fantômes? Est-ce que c'est dans Un vampire à Brooklyn? Ou est-ce que c'est dans Les Nuits de Harlem? Ah, c'est le numéro 2, Le Manoir avec les 99 fantômes, c'est sorti pour les enfants. Tu valides Le Manoir hanté et les 999 fantômes? Ouais, allez. C'est une mauvaise réponse. Ah, non. C'est Un vampire à Brooklyn. Ah, réalisé de par Wes Craven. Oui. Ah, ok. Nous avons Le Sous-sol de la peur qui est de Wes Craven mais oui. Sans Eddie Murphy. Le Manoir hanté, effectivement avec Eddie Murphy mais c'est pas Wes Craven. D'accord. À la réalisation. Et Les Nuits de Harlem qui est un film écrit et réalisé et interprété par Eddie Murphy. Ok, ça marche. Bon, bah, mea culpa. Voilà. Bibou. Oui. Tu es prêt à égaliser à deux partout? Ah, c'est bon, on y va. Hein. On est parti. Ouais. Alors, lequel de ces films coquinou n'existe pas? C'est la minute. C'est la minute coquine. C'est la minute. Nous avons le Da Zizi Code. T'as dû t'éclater ouais, là. Tu sais, il est mort de rire. Le Da Zizi Code. Le Da Zizi Code. Nous ouais. avons Valérie et la cité des mille sucettes. Okay. Nous avons, mon Dieu, nous avons Les Aventuriers du Derche Poilu. Ah. Hein ah. Et nous avons en dernier Chérie, j'ai agrandi les godes. Putain. Alors un petit conseil, efface ton historique parce que t'as dû faire énormément de recherches cette semaine. Tu n'imagines même pas. Et si Séverine tombe là-dessus, on dit, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il a foutu? Mais alors je préfère encore qu'il aille sur YouPorn plutôt qu'il cherche des trucs comme ça. Oh merde. Est-ce que alors, tu veux que je te les redise? Ah ouais, je veux bien, avec grand plaisir. Là, c'est alors, celui qui, on est d'accord, c'est celui qui n'existe pas. Il y en a un qui n'existe pas. D'accord, donc tous les autres. Tous les autres existent, c'est ça, peut-être ça le pire. Nous avons le Da Zizi Code. Nous avons Valérie et la cité des mille sucettes. Les aventuriers du Derche Poilu. Ou Chérie, j'ai agrandi les godes. Ah ouais. Alors, comme tu t'en doutes, mon cher Yannick, tu les as pas tous vus. On est fan de cinéma ou on n'est pas fan de cinéma? Ah ouais. Je vais faire au hasard, enfin au hasard, plus ou moins. Je vais pas prendre de 50-50 maintenant, ça serait un peu. Enfin, ça va pas m'avantager au final. Je vais prendre le truc avec les derches poilus. Là, je me rappelle même plus. Les aventuriers du derche poilu. Les aventuriers du derche poilu, ouais. Non, c'était Valérie, la cité des mille sucettes. Malheureusement. Les aventuriers du Derche Poilu. Ne fais pas de recherche sur les aventuriers du Derche Poilu. Je conjure, n'en fais aucune. Tu seras perturbé comme moi pendant un moment. Okay. Tu as encore des images dans la tête. Mon Dieu, c'est horrible. C'est horrible. Chérie, voilà. J'ai agrandi les godes, ça doit être bizarre aussi. Voilà, il y a une histoire de micro-ondes dans Chérie, j'ai agrandi les godes parce que j'ai été voir le résumé du film et il y a une histoire de micro-ondes et de godes qui va dans le micro-ondes. Je n'ose pas t'en dire plus. Non, okay. J'ose même pas les voir. J'ose même pas. Mais du coup, t'as pas eu le. Pourquoi elle est tombée sur moi cette question? Pourquoi elle est tombée sur toi? Je n'en sais rien. Celle-ci. Le hasard. Ouais, le hasard. Celle-ci, c'est le hasard. À part deux, trois qui étaient spécifiques, il y en aura exprès pour toi, Julien. Il y a celle de Bowie qui était pour Fanny. Les autres, c'est purement le hasard. D'accord. Non, c'est une blague. En plus, j'ai vu que deux films sur les quatre, donc ça me. Ouais, Valérie et les mille sucettes, tu l'as pas vu, non? Il est pas mal, celui-là. Il est pas mal. Mais il n'existe pas, donc. pas encore, hein, ça se trouve. Quoique, Julien, il cherchait de quoi faire un film. Bah voilà. T'as plus qu'à trouver une Valérie. C'est ça. Il y en a une au boulot. Oh, c'est bon. Oh, ça. On a dit qu'on parlait pas. Qui écoute peut-être l'émission d'ailleurs. On a dit qu'on parlait. Salut Valérie. Salut Valérie. Bonjour à toi. Julien, on ne parlait pas de toi. On se revoit lundi au boulot du coup. Non, on ne parlait pas du tout de toi. Merci de nous écouter. Après, bah, on en parlera. Après. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Trêve de plaisanterie. Question numéro 7 pour Bibounette. Ouais. Au tout début de l'extraordinaire film The Thing du maître Carpenter. Non, je n'ai pas une fascination pour ce réalisateur du tout. Non. En 1982, des types dans un hélico tirent sur un chien qui tout se dirige vers la base américaine. Tout à fait. De quelle nationalité sont-ils? Est-ce qu'ils sont suédois, norvégiens, allemands ou russe? Je dirais norvégien. Tu valides norvégien? Je valide norvégien. C'est une bonne réponse. Trump, c'est pas possible, ça. Non, mais j'adore ce film. Tu aurais pu même me demander la race du chien. Tu vois. C'est un husky. Oh, il a du mal à me faire mon troisième bâton. Non, non, je l'ai fait. Ouais. sans trop de conviction. Avec un faute à côté, mais... Je l'ai fait. D'ailleurs, je vais mal le faire, il va déborder un peu. Et là, j'aurais hésité entre suédois et norvégien sur cette question. J'ai hésité, mais ouais. Mon premier instinct m'a emmené en Norvège. Ok. Ouais, donc j'ai suivi mon instinct. Bien joué. Sans réfléchir. Voilà. Merci, Yannick, c'est une bonne question. Voilà. Alors, Julien... Alors, Julien, dans le film russe expérimental des années 20, vu comment on est parti. À la minute près, combien de temps dure ce film? Il dure 4h02 minutes, c'est dommage. Il a dit 4h01. Non. Non, c'est encore plus dur. Lequel de ces quatre films n'est pas adapté d'un roman? C'est trouvable. Est-ce que c'est Fight Club? Est-ce que c'est Les Dents de la Mer? Est-ce que c'est le Truman Show? Ou est-ce que c'est Mrs. Doubtfire? Alors, j'hésite entre Mrs. Doubtfire ou le Truman Show. Mm-hmm. Et si tu prends ton 50-50, faut pas lui dire, parce qu'après, il va te les laisser tous les oui. deux. Oui. Alors, j'avais déjà décidé avant. D'accord. Ah, ok. Non, je pense que c'est Mrs. Doubtfire. Tu valides ? Je valide. Tu valides, tu prends pas de joker ? Non, je vais le faire comme ça. Tu valides Madame Doubtfire ? Oula, c'est pas bon signe quand tu me fais ça. Je vais prendre un 50-50, Yannick, il fait ça. C'est toi qui vois. Tu n'as pas validé ta réponse. Je ne l'ai rien dit, je te demande juste si tu validais ta réponse. Je vais prendre un 50-50. Tu prends un 50-50 ? Ouais. Il reste donc Fight Club et le Truman Show. Donc il n'est pas adapté, on est bien d'accord. Oui. Donc c'est le Truman Show. C'est le Truman Show. Bonne réponse. Oui. Ça y est, t'as un deuxième point. Fight Club, c'est un livre de Chuck Palahniuk, publié en 1996. Okay. Les Dents de la Mer, c'est un livre qui a été un énorme succès de Peter Benchley en 1974, juste un an avant le film. Et Madame Doubtfire, c'est un livre d'Anne Fine en 1987 qui est sorti en France sous le titre « Quand papa était femme de ménage ». Ah ok, bah ça je savais pas, tu vois. Comme quoi? Oui, je l'ai découvert en faisant mes recherches. Ah, mais okay. C'est bien les quiz, on apprend plein de choses. Oui. Je trouve. J'ai toujours pensé que c'était un scénario original, tu vois, Madame Doubtfire. Bah moi aussi, et du coup, non. Ça me donne peut-être même envie de trouver le livre pour voir les différences. Ouais. Parce que le film est assez incroyable, et tellement drôle et émouvant que ça me donne envie de... J'ai peur d'être peut-être déçu quand on a la performance... de Robin Williams en tête, ça risque peut-être d'être compliqué, mais à trouver un jour. C'est ça. Carrément. Carrément. Alors, maintenant, Fanny. Le quatrième point de Fanny. T'as dit quoi ? Le quatrième point de Fanny. Ah oui, oui, oui. J'ai un gros doute sur celui-ci. Ah ben, on va voir. Fanny. Oui. Le film Zodiac de David Fincher en 2007. Tout à fait. Est tiré du livre d'un des protagonistes du film. Tout à fait. Mais lequel ? Est-ce que c'est l'inspecteur David Toshi, interprété par Mark Hulk Ruffalo ? Est-ce que c'est le journaliste Paul Avery, interprété par Robert Iron Man Downey Jr. ? Est-ce que c'est le caricaturiste Robert Graysmith, interprété par Jake Mysterio Gyllenhaal ? Ou est-ce que c'est l'inspecteur William Armstrong, interprété par Anthony Goose de Top Gun, Anthony Edwards ? Lequel des quatre a écrit le livre sur lequel est basé le film Zodiac de David Fincher ? Je vais suivre mon instinct. Je crois que le livre a été écrit directement par le journaliste. Le journaliste, donc Paul Avery, interprété par Robert Iron Man Downey Jr. Tout à fait. Tu valides ta réponse ? Je valide. Et c'est une mauvaise réponse. Ah, c'est le caricaturiste. C'est Robert Graysmith, c'est Jake... Gyllenhaal. Gyllenhaal, le caricaturiste. Ouais, qui écrit le livre. Parce qu'il avait fait tous les... Et les en a codes, fait... en fait, voilà. Il a travaillé tous les codes, donc il a fait le bouquin sur les codes. Ah oh, putain, j'hésitais entre les deux. Ouais. Et il a même écrit aussi sur Jack l'Éventreur, sur le meurtre de Bob Crane, le personnage principal de la série Papa Schultz, qui est mort assassiné. Et d'autres livres encore, il a continué derrière. D'accord, bon bah ok. Bah, j'ai perdu mon point. Voilà. 3 points pour Fanny toujours. Toujours. Personnellement, j'aurais eu un gros doute aussi. Ouais. Entre le journaliste et le caricaturiste. Ouais. Et pourtant, j'ai écouté le dernier, enfin, un 24 FPS rétro, tu sais. Oui, sur celui-là. Encore à 24 FPS, très très bon. Et ouais. Ok, bon, bah, okay. C'est bien. Il est où ton quatrième point? Ah bah non. Eh bah non. Oh, ça. Ouais, ça. Bibou? Oui, je suis là. Tu es prêt? Oui. C'est une question de Fanny. Fanny, c'est une des questions que tu m'as envoyées. D'accord. Dans Les Affranchis de Martin Scorsese en 1990. D'accord. Henry Hill, interprété par Ray Liotta, Jim Conway, interprété par Robert De Niro, et Tommy, interprété par Joe Pesci, travaille pour une des 5 familles mafieuses de New York. Ouh. Comment s'appelle-t-elle? Est-ce que c'est... Alors, veuillez pardonner mon accent italien. Est-ce que c'est la famille Genovese. Lucchese. Gambino. Ou Colombo, comme dirait ma femme. Est-ce que c'est comme dirait ma femme? Alors... Non, c'est pas Colombo. C'est sûr que c'est pas Colombo. Mais je crois qu'il y a un mafieux qui s'appelle Colombo en plus. Oui, c'est une famille... Oui. C'est une famille même. C'est une famille. Alors, est-ce que tu peux me les répéter, s'il te plaît? Parce qu'en fait, là, il faut que tu trouves dans quelle pour quelle famille oui, il travaille. Oui, bien sûr. Il travaille. Genovese, Lucchese, ouais. Gambino ou Colombo? Comme dirait ma femme. Gambino, je pense pas non plus. Je dirais le premier. Genovese? Oui, je dirais Genovese. Ça. Tu valides ta réponse? Non, redis-moi le deuxième, excuse-moi. Lucchese. Je vais prendre de Lucchese. Tu valides ton changement? Oui, je valide. Et tu as bien fait, c'est une bonne réponse. Alors c'est dégueulasse parce que je t'explique, il y a Bibounette qui est en face et qui m'a fait un truc avec genre... J'aurais pas pris ça, c'est moi. Chaud. J'aurais pas pris ça. Ok. Bon bah c'est bien. Eh ben c'est une égalité parfaite, 3 partout. Ça y est. Alors, Bibounette. Eh oui. 9e question déjà. Oui. Dans le très bon The Faculty de Robert Rodriguez en 1998. Où il sniffe des stylos billes. Oui, il sniffe des stylos billes, tout à fait, oui. Oui. Enfin, il sniffe ce qu'il y a dans le stylo billes, plutôt. J'imagine en train d'écraser le stylo billes. Ça va faire mal au nôtre. Ouais, bref. Quand j'étais jeune, j'étais un peu amoureux de Cléa Duval dans ce film. Ah, moi c'était Laura Harris. Ah, ok. Ouais. Et puis, j'ai perdu son nom. Celle qui joue dans Fast and Furious aussi. Je pourrais pas te... La brune, un peu pédante et arrogante. Ouais. Bref. Bref. Nous en parlerons de nos amours, de nos crushs de jeunesse un autre jour. Donc, dans le très bon The Faculty, un parasite extraterrestre infecte les profs et les élèves d'un lycée américain. Tout à fait. Quel personnage est infecté en premier? Est-ce que c'est l'infirmière Rosa Harper, interprétée par Salma Hayek? D'ailleurs, moi, j'ai jamais eu d'infirmière comme ça à l'école, moi, par contre. Hein. Est-ce que c'est la timide mais torride, une fois qu'elle est infectée, Mademoiselle Burke, interprétée par Famke Jean Grey Jensen? Est-ce que c'est le prof de science, Monsieur Edward Furlong, interprété par John Stewart? Et oui, le personnage s'appelle Edward Furlong. Et où est-ce que c'est le coach Joe Willis, interprété par Robert Emil Patrick? Eh ben, c'est le coach sportif. C'est le coach sportif? Ouais, et je valide. Et tu valides, c'est une bonne réponse. Oh, ma mémoire est toujours là. Tout début du film. Je vais avoir le quatrième point. Bien joué. Bien joué. Je crois que j'ai pas vu ce film depuis 20 ans. Merci pour cette belle question, The Faculty. Puis tu vois, ça m'a donné envie de le revoir. Eh ben, je l'ai revu du coup. Et il est toujours aussi bien. J'adore. Franchement, c'est vraiment. À l'époque, Robert Rodriguez faisait des bons films. Mais, Ouais. Et puis tu vois, tu m'as cité les personnages qui étaient infectés. L'infirmière, j'ai fait non. Non, prof de sciences, non. Et alors, coach sportif, direct. Ah bah ouais, direct. Ouais. Je revois la scène comment sur le terrain de foot. Comment il s'appelle cet acteur là-bas, le héros, en fait, là, qui a complètement disparu des radars, là, qui joue dans Pearl Harbor, c'est ça? Oui, c'est... L'acteur principal. Ouais, l'acteur principal, ouais. Ah, je sais pas. Josh Hartnett. Ouais, voilà, c'est ça. Josh Hartnett, exactement. Josh Hartnett, ouais. Qui a complètement disparu, oui. Bon, sinon, il a joué dans... Comment elle s'appelle, sa série Avec fantastique. Les vampires. Oui, exact. Oui. Les loups-garous, les machins. Comment s'appelle cette série? Je sais plus. C'est horrible. Bon, allez, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, voilà. C'est une série. Avec des loups-garous et des vampires. Voilà, et des sorcières. Et c'est pas Twilight. Non, surtout pas. Bon, Bibou, t'es prêt à égaliser ? Oui, il serait peut-être temps je que tu suis viennes. Prêt. Hein. Elle est facile. En plus. Ah, facile. Ah oui. Ah oui, franchement, celle-là, limite, je devrais même pas te donner les quatre réponses. Bon, bah, les quatre pour Bibou. Voilà, quatre pour Bibou, on verra. Dans le film L'Arme Fatale de Richard Donner en 1987, Martin Riggs, interprété par le grand Mel Gibson, arrive à la criminelle pour être le coéquipier de Roger Murtoff. Mais de quelle brigade vient-il avant de venir à la criminelle ? Est-ce qu'il vient des mœurs ? Des stupes ? Est-ce qu'il vient de la brigade financière ? Ou est-ce qu'il vient de l'antiterrorisme ? Oh putain. Ah, gros truc là. Tic-tac, tic-tac. Non, je déconne. Non. Alors, les mœurs, tu m'as dit ? Les stupes, la financière ou l'antiterrorisme ? Bon, c'est pas la financière. Ah bon, pourtant, il a la tenue pour ? Il a le bagou pour ? Ah, j'ai envie de dire les mœurs. Bah non, les mœurs, ça me paraît très bizarre. Si moi je connais la réponse, je peux la donner et avoir le point. Ça marche pas comme ça. Je peux te moquer en la donnant, mais tu n'auras pas de point. Bon. Ah, ça m'embête de refaire un 50-50 là maintenant. Mais oui, parce moi, qu'on est. Moi j'ai encore à la moitié. Tous mes jokers. On est à la moitié. Eh, tu sais... c'est pas grave, je vais faire un 50-50 maintenant. Eh ben, il aura plus de jokers c'est et moi grave. J'aurai encore tous mes jokers. Tu n'auras plus de jokers. Alors, je te laisse les stupes et l'antiterrorisme. Ah, il était dans les stupes. Il était dans les stupes, tu valides ? Je valide. Et c'est une bonne réponse. Ah, ok. Puisque nous avons la toute première scène du film où il arrête des vendeurs de drogue qui sont en même temps des vendeurs de sapins de Noël. Oui. Et il fouille dans son portefeuille pour trouver 100 dollars alors qu'il parle de 100 000 dollars dans une scène quand même assez dingue. Et ben voilà, 4 partout. Ouais. Ça ne va pas trop ça. Ouais, mais par contre, il n'a plus de joker. Quoi. Non, mais j'en aurais plus besoin. J'en ai plus besoin. Là où je vais, j'ai pas besoin de joker. Pas besoin de joker. Remets ton casque. Et les amis ? Oui. On se fait une petite récré ? Allez, une petite récré. Une petite récré ? Générique. Un petit générique là ? Un petit générique. Ah bah oui. Allez, c'est parti. J'ai la patate là. Ouais, moi aussi. Moi genre aussi, le cinquième motivé, là. Point là. Ouais. Je vais te le prendre là. Alors, mon cher Yannick, qu'est-ce que tu nous as préparé ? Alors, pour couper un petit peu au milieu, un petit quiz musique, une petite récré. Ah, trop cool. Tu as, cher Bibou, des musiques que je t'ai envoyées. Oui. Tu en as 9. Le dernier sera pour le départage si besoin. D'accord. 4 musiques chacun. Il faut simplement me retrouver le film et me raconter un petit peu ce qui se passe dans le film au moment où cette musique arrive. D'accord. Okay. Ce sera vraiment simple. C'est la petite récréation au milieu du quiz. D'accord. Super. Et sur le départage, ce sera une question de rapidité. En attendant, vous avez chacun vos 4 musiques à trouver. D'accord. Ok, très bien. C'est parti. On commence par Bibou, parce que c'est, parce que c'est comme ça. Voilà. D'accord. Ouais, voilà, c'est comme ça. C'est tout. Bon, bah, je lance le morceau. Vas-y. Alors. Oh, quelle musique incroyable. Ouais. Attends, j'attends qu'elle démarre un peu. Alors là, je l'ai pas pour l'instant, Yannick. Hein. Ah, on laisse, c'est pas grave, on écoute. On peut laisser un petit peu, ouais. On profite. Toute mon adolescence. Tu sais que moi non plus, je l'ai pas. Hein. Ouais. Oh. Toute ton adolescence, attends. Ah oui. Vu que t'es comme nous, t'es un peu vieux. Merci. Un petit peu de Ping. Prends-toi ça dans le buffet. Non, franchement, moi, je vois pas non plus. Vas-y, dis-nous, Yannick. Non, mais attends, tu cherches encore. J'attendais que ça chante, en fait. Non, c'est pas la Station Hero, ça. Non. On va dire que tu chauffes un peu. On va dire que je chauffe un peu. Oui. C'est une scène un petit peu marquante du film, j'imagine. C'est une musique marquante du film. Et une fois qu'on a la... on sait quel film, je pense que t'as la scène. D'accord, ok. Non, écoute, Yannick, je vais pas la voir. Ah. Je vais pas la voir. Ouais, désolé. Fanny, t'as une idée ? Non. Offusqué. J'aurais peut-être presque dit les Goonies, mais je vois pas à quel moment, donc non. Mais en fait, ça va peut-être être plus compliqué que ce que je pensais. Bah, peut-être. Non, les autres, ça va le faire. C'est... Terminator 2. Putain. Ah. Nous avons... Dans le bar. John Connor, avec son copain... Ah, mais oui, sur la moto. Qui sont en train de trafiquer un peu sur leur moto. Mais évidemment. Évidemment. La mère adoptive arrive, demande à John de ranger la chambre. Oui. Ensuite, on voit le père et John se retourne avec sa petite mèche. Mais c'est pas ma mère. C'est pas ma mère, Todd. Bon. Alors, bizarrement, maintenant que tu me l'as dit, c'est évident. En fait. Ah, ouais. Bah oui, en plus, son copain, il a le ghetto plaster avec lui, sur la moto, ouais. Carrément. Ouais. Okay. Bon, juste avant d'aller piquer des sous à un distributeur. Je suis nul. Ok. Bon. Ok, bon, on passe à la deuxième. On passe à la deuxième. Ah bah alors là, Fanny. Quand le monde entier te persécute, tu te dois de persécuter le monde. C'est pas ce qu'on m'a appris. Il te faut peut-être une autre méthode. Répète après c'est moi. C'est le roi lion. Oui. Quoi ? C'est quand il est accueilli dans la forêt avec Timon. Hakuna Matata. Matata. Et qui lui apprennent justement que la vie... est magnifique, ils lui apprennent la vie en fait. Oui. Tout simplement, vu qu'il a été rejeté de toute sa famille. Maintenant, j'ai envie de pleurer parce que c'est trop triste. Sans aucun souci. C'est super triste. Ouais, bah oui, c'est le roi lion. Ouais. Bah là, on sort cette en plus fameuse de... scène. Ouais. On sort de la mort de Simba. Ouais. C'est ça. Ouais. Et donc, il est accueilli avec ce vieux facochère. Ces deux mots régleront tous tes problèmes. Ah bah, ça change de Terminator 2. Du coup. Bon, bah, bien joué, Pipinette. Bien joué. Belle organe. Merci. Belle organe. C'est toi le vieux crado. Au lieu de sentir la fleur soulever les cœurs. Mais il y a dans tout cochon un poète qui sommeille. Quel martyr dont personne ne peut plus vous sentir. Disgrâce à vous. On met la suivante. Ah, c'est... Attends, c'est ça va commencer. C'est Bibou qui gère. Et en plus, ce qui est bien, c'est que dans cette scène, tu vois justement quand il grandit. Oui. Il grandit en fait. Oh, oui. C'est la scène où il grandit, où il grandit avec Baïkou. Et il grandit sur cette chanson. Quoi. Exactement. Que tu vis pas ta vie. Et tu le vois tout petit, et au fur et à mesure de la chanson, tu le vois grandir en fait. Oui. Ouais. Oh là là. C'est tellement triste. Mais du coup, ça me fait un petit point. Ou pas ? Oui. Non, c'est après, c'est à la fin. Je compte, et pour l'instant, tu mènes. D'accord. Voilà. J'ai un petit creux. Et moi alors, je pourrais avaler. Non, c'est pas un point. C'est pas un point, c'est tu mènes pour gagner le point. Ah, je mène pour gagner le point. Non. Allez, la numéro 3. La numéro 3. Pour toi, Bibou. Je suis pressé là. Allez, c'est parti. Bon, ça c'est Star Wars la menace fantôme. Oui. Ouais. Ah, tu vas me demander la scène, ça fait très longtemps que je l'ai pas vue. Ah, c'est le excuse-moi. Je pense que c'est le début du combat entre Dark Maul et Obi-Wan Kenobi. Bien joué. Ouais. Il me semble. Ça fait très très longtemps que j'ai pas vu ce film. Alors c'est, je pense. Ouais, j'aurais dit ça aussi moi. Ouais. C'est peut-être la chanson la plus connue de cet épisode-là. Je pense. Et ouais, c'est vrai que cette scène, quand les portes s'ouvrent et qu'on voit Dark Maul allumer son double sabre, c'est Et c'était l'époque où on avait, bon, ça existe peut-être encore maintenant, où on avait les BO de films avant que les films sortent. Oui. Et j'écoutais ça en boucle en fait, avant de voir le film. Oui. D'ailleurs, des fois, on était spoilé par le titre des chansons. Oui. C'est ça. Ou alors à l'époque, il me semble que si t'achetais le jeu officiel épisode 1 sur PlayStation, toute l'histoire, enfin tout le jeu te spoilait complètement le film en fait. Et le jeu était sorti peut-être un mois ou 15 jours avant. Cross the music. Ouais. J'allais dire ce film, mais c'est un peu plus compliqué. Mais... C'est un peu plus compliqué, mais très... enfin, voilà, ça reste, ça reste mieux que les trois derniers quand même. C'est clair, ouais. Bon, on va pas rentrer dans ce débat. Non. C'est pas mal, hein. Ah, c'est extraordinaire. Un orchestre, t'imagines, ça doit être tellement bien. C'est clair. Ouais. Avec le film projeté derrière et l'orchestre devant, là, ça va être extraordinaire. On se fait la 4 ? On se fait la 4 ? Ouais. Fanny, tu es prête ? Ouais. C'est parti ? Oh ! Pulp Fiction. Ah bon? Tu sais, quand ils sont en train de... Attends. Alors, je veux que tu sois très précise, par contre. Voilà. Parce que You'll Be a Woman, c'est la scène... C'est la scène où il vient la chercher. Non, où il la ramène... Non, attends. C'est quand ils sont à l'intérieur en train de danser, ils sont pas au restaurant. Mm-hmm. Moi, je sais. Ils sont chez eux. Chez Wallace. Elle est dans le salon, elle doit se préparer et puis elle met de la musique. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Attends. Non. Alors, ils reviennent, elle a fait son overdose, ils la ramènent. Et quand elle revient, elle met de la musique, genre comme si de rien n'était. Ah putain, je sais plus. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. J'ai un doute. Donc Pulp Fiction, ça c'est sûr, ça se passe chez les Wallace. Mais qu'est-ce qui se passe exactement ? Eh ben non, mais c'est là qu'elle fait l'overdose. Ouais. Donc ils sont au restaurant, ils la ramènent chez elle, et c'est là qu'elle fait l'overdose. Tu valides ? Ouais, je valide. Et c'est ça. Ils rentrent du restaurant après avoir volé le trophée, parce qu'ils n'ont pas gagné, d'ailleurs. Ils ont le trophée, mais parce qu'ils l'ont volé. C'est ça. Lui, il va dans la salle de bain. Elle met de la musique. Elle met de la musique. Lui, il va dans la salle de bain, il se sert un verre, il est en train de se dire qu'il ne faut surtout pas qu'il couche avec, il faut qu'il rentre chez lui. C'est ça. Elle n'a plus rien à sniffer, elle fouille dans sa veste et elle prend de l'héroïne. Elle prend la pure héroïne qu'il a récupérée chez son pote. C'est ça. Et elle fait l'overdose. C'est ça. D'accord, je valide. Ok. Bien joué. C'était une revanche Pulp Fiction, quoi. Ah non, la revanche, elle arrive après. Ah merde. cette chanson, cette bande originale incroyable. Elle est magnifique. Ah là, elle est extraordinaire. Bon, Julien, la prochaine, elle va être un petit peu plus rythmée. D'accord, ok, très bien. Mais écoute, je lance. Vas-y. Oh. Excuse-moi, une minute. Non, rien. Alors, j'attends que ça commence à chanter un petit peu. On doit être sur du Prince, hein, déjà. Non, pas sur Prince. James Bond. Bon, j'imagine que c'est Ghostbusters déjà. Non. Ou pas. Ou pas. Non. Ou pas. Non. Putain, celui-là, je l'ai eu dès la première dose. Ah ouais. Ouais. Non, je vais pas l'avoir. Living in America. Tu l'as pas c'est dit ça, c'est James Brown hein, qui chante. C'est le grand James Brown, ouais, tout à James fait. Brown. En fin de carrière, hein, d'ailleurs. Hein, oui, oui, oui. Très, très, très, très fin de carrière. Hein. Surtout dans ce film-là. Bon, tu l'as pas, Julien? Oh. Non, il y a Fanny qui me fait des imitations visuelles, donc je vais dire The Mask avec ce que j'ai sous les yeux. Non, mais non. Non, c'est pas The Mask que tu me faisais. Bon, non, je veux pas. Fanny, tu l'aides? Batman. Ah, pas du tout. Bah, le Joker. Ah bah c'est la musique du Joker dans le Batman quand il arrive en ville. Ah oui aussi. Ah bah, ah bah alors là, avec Jack Nicholson quand oui, il arrive aussi. En ville, c'est la musique. Mais j'étais, dans j'étais le, pas du tout parti sur celui-là. Ah merde. Bon c'est bah... C'est pas la scène du musée aussi enfin, c'est Oui c'est celle-là. C'est non c'est la scène quand il distribue plein de billets le Joker, Jack Nicholson. Ah, ouais. Ah oui c'est vrai, mais moi j'étais parti c'est sur la musique une autre, de mais Batman. C'est pas grave. Ah bah voilà. Sur quoi, toi, Yannick ? Et j'étais parti sur l'arrivée de Apollo contre le combat contre Drago. Ah bah voilà. Ah, ah ouais. Ok. Juste avant que Apollo ne meure. Mm. Et il arrive sur cette musique-là avec James Brown aussi qui chante. Bah oui, aussi. Ah, évidemment. Effectivement, il y a le Batman. Film, ouais. Ouais, ouais, ouais, il y a. Bon, ouais. Je t'aurais validé Batman aussi, bien entendu. Mais là, du coup, je te valide rien du tout. Bon bah, ouais, parce que je le revois danser ouais. Jack Nicholson là. Oui, oui, non, effectivement. Deux films celui-là. Pourtant, ouais, j'avais essayé de trouver des chansons vraiment pour les avoir que dans un seul film et j'ai loupé celui-là. Ah, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Après, elle est tellement bien cette chanson. Ah, ouais. Et bah, tant pis. Et bah, tant pis. Bah, on met la numéro 6. La numéro allez, 6 parti. Pour toi, Fanny. Allez, on y va. Allez, vas-y. Ah, okay. Ah, elle est dans plusieurs films aussi celle-là. Attends, je vois un film de romance. Oh putain. Donc même si t'as pas celui que moi j'avais en tête, du moment que t'as juste un. Déjà, je vois un film genre d'amour, tu sais, qui finit mal. Je suis dans le bon truc ou pas du tout ? Dans celle que moi j'ai en tête, pas du tout. Après, d'accord. Peut-être dans d'autres, mais normalement, celle-ci, moi je. Dans des gros films un peu cultes, très connus. Ouais, voilà, c'est ça quoi. Je pense que je le vois que dans un seul, mais si tu en trouves un, bien entendu. Un film culte. Moi, je pense que je l'ai. Putain, c'est pas dans Madame Doubtfire quand il s'en va avec sa voiture. Non, le... non. Oh, c'est sûr qu'elle est pas dans le tapis. Non, elle est pas dans. Ouais. Je sèche, je sais pas. Vas-y, Bibou. Alors, je crois, j'ai un petit doute, mais je crois que c'est Breakfast Club. Hein. Tout à fait. Ok. Mais à quel moment du film ? Alors, pour l'avoir vu il y a très longtemps, il me semble que c'est tout au début quand tous les gamins arrivent à l'école et qu'ils sont déposés par leurs parents. En fait, c'est tout à la fin quand ils se font récupérer par leurs parents. Ah, non, c'est la même chose, mais à l'envers. C'est d'accord, bon. Redis-le en verlan. Je te dis, je l'ai vu. J'ai dû le voir il y a 20 ans, ce film, donc ouais. Ok. Bon, bah, pas mal. Eu. Non, je voyais une histoire d'amour un peu qui finit mal. Oh, ils l'ont certainement utilisé dans ouais. Des films un peu lambda. Mais c'est vrai que cette chanson mais est genre, très appropriée à ce foudre, film. En fait. Coup de foudre à Nautiling ou un truc comme ça. Peut-être. Ouais. Bon bah bref, bon bah j'ai pas eu. Voilà. Bah, super. Bah voilà. Bah oui hein. Qu'est-ce que je te dis ? À toi. Hein. Bon la 7. Alors là, celle-là, Julien. Ah oui. La pression. Ah non, mais, non, mais même pas besoin. Même pas besoin de mettre la pression. Tu vas trouver tout de suite. D'accord. Bon, allez, c'est parti. Ah, ok. On a un petit moment de décalage, je tiens à préciser pour les auditeurs et auditrices, parce qu'on a un petit. On a moins de son en fait dans les oreilles, c'est pour ça qu'on n'entend pas super bien la musique. C'est pour ça qu'on ne réagit pas forcément super bien au son. Parce qu'on le savait dès le début. Ouais. Alors, c'est la scène de Reservoir Dogs avec Michael Batson qui va couper l'oreille du flic. Exactement. Ok. Du coup, il en a deux là. Et toi aussi. Mais tu as encore une question, Fanny. Oh, deux. Mais une dernière pour Fanny avant peut-être le départage. Trop de pression. Trop de pression. Non, je pense que tu devrais trouver. Ça me ferait un point. Je n'est pas content. Quel film encore, finalement. Ouais. Et le décalage entre la chanson rythmée, sympa, et la scène de torture quand il danse devant, c'est terrible. Avec les petits pas de danse de Madsen. Elle est bien, cette petite récré musicale. Ouais, ça fait du bien, ouais. Ouais. Allez, c'est parti. Je suis prête. Ouais, je suis prête. Allez. Allez, la numéro 8. Allez. Oh. Oh non, c'est dégueulasse. Ah non, c'est pas dégueulasse. Ah, faut pas que je me plante, c'est tout. C'est vrai. Ouais. Oui. C'est 9 semaines et demie. Oui. C'est le striptease dans la chambre. Elle ouvre la porte comme ça ? Ouais. Et se déhanche. Et c'est parti. Elle se déhanche. Et c'est parti. Et puis après. La question coquine est déjà passée. Eh ben non, c'était pas 9 semaines et demie, c'était Sister Act. Et voilà. C'était Jurassic Park 2, le compte perdu. Je crois que t'aurais même pu me dire The Full Monty. Hein. Et il me semble aussi. Hein. C'est la scène finale. Oui, je crois. C'est la scène finale. Oui. Ouais. J'aurais. Exact. Voilà, j'avais validé exact. J'avais trouvé ces deux-là pour cette chanson. Après, elle est dans un film, mais on l'a pas vu. D'ailleurs, ce film n'existe pas. Elle est dans Indiana Jones 4. Le fameux crâne de cristal. Comme il n'existe pas, ce film, il y a cette chanson dedans. Il y a cette chanson dedans ? Non. Dans ce, enfin, il y a cette chanson dans ce film qui n'existe pas ? Exactement. Ah, bah, voilà, alors. C'est ça. Ouais. Non, okay. Mais c'est pas. Ce serait très bizarre, Indiana Jones. Non ? La scène du frigo. La scène du frigo. Dans Hot Shot. Hot Shot, ça passerait plus. Dans Hot Shot, ouais. Carrément. Bon, bah, je crois que j'ai perdu ce petit jeu. Voilà. Est-ce qu'on s'écouterait quand même pas? Eh ben, pour le fun. Ouais, pour le fun. Moi, j'aime faire mon petit Et dans ton cinquième point. Ouais. Allez. Ah oui. Alors, vous n'avez pas le droit de me sortir Bohemian Rhapsody, le dernier film sur Queen. C'est trop facile. Ouais, bien sûr. Et bah, du coup, on cherche. Bah oui. Pareil, un film très connu, qui est un classique maintenant. Quand on sait de quoi ça parle, cette chanson. J'ai aucune idée du film. Là. Ouais, vas-y. Vous l'avez pas ? Non, vas-y. Non, c'est Shaun of the Dead. Mais évidemment, la scène du bar. La scène du bar, oui. Évidemment. Bah, il tape oui, des zombies en rythme. Ouais. Sur la musique. Tout à fait. Ah, mais n'importe tout quoi. À fait, mais tout oui, à fait. Bien sûr. Ouais. Tu sais de quoi parle la chanson, Yannick ? J'ai jamais cherché. J'ai jamais cherché Don't stop me now. Oui, ne m'arrête pas maintenant. Ça parle tout simplement d'une petite branlette, quoi. Ah, d'accord. Okay. It's a good time. J'avais jamais été Don't chercher stop la. Me now. Don't stop me now. Ah bah oui. Ah bah non, il peut pas s'arrêter comme ça. Hein. Tu m'étonnes. Freddie Mercury toujours dans la finesse. Elle est pas mal, hein, moi j'aime bien. J'adore cette chanson. Franchement. Pour te mettre elle donne la pêche. La pêche quoi. Ouais. Ben, je crois que c'est la chanson qui a été élue comme celle qui donnait le plus la pêche. Ah d'accord. Parce qu'elle a un rythme particulier et au niveau des émotions, tout ce qu'elle procure, elle file la pêche et c'est été prouvé même. C'est marrant, on peut dire la même chose de la masturbation. Si on sait pas que tu parles d'une musique, la masturbation, voilà. Ça fait pareil. Ah là là. C'est un épisode coquin, dis donc. Dis donc, hein. Dis donc. Hein, dis donc. Et puis, ça, c'est depuis la question coquine. Tu mets tes poils là où je sais pas quoi. C'était Valérie. C'était des mystères. Ça, c'était les aventuriers du Derche perdu. Ah, du Derche poilu. Oh, mon Dieu. Du Derche poilu. Ouais. Oh, j'ai envie d'aller chercher des images, non. Mais j'ai peur. Non, non, ne non, fais pas, ne fais pas ça. Ne fais jamais ça. Ah, bah en tout cas, Yannick, merci beaucoup pour cette récré. Ah, ça fait du bien. Ah, carrément. Et puis ça fait de la pêche. Oui. Mais on parle, on parle bien de la musique, hein, bien sûr. Oui, on parle bien de la musique. Pas bien de la musique. Bon, la récré est finie. La récré est finie. Est terminée. Okay, ça vient de sonner. On va couper ça. Il faut retourner à l'école. Allez. C'est pas tout ça, mais le quiz va reprendre. Tout à fait. Générique. Générique. Générique. Générique. Allez. Eh ben, mon cher Yannick. On est reparti. On est reparti. Let's go. Oh. 5-4, hein, Bibounette. C'est ça. C'est... Et mes deux jokers. Et tes deux jokers. Et c'est toi qui commence. Ok. Dans la cité de la peur d'Alain Berberian en 1994. Oui. Avant de tuer les projectionnistes, le serial killer. Un quoi? Le serial killer. Le quoi? Un tueur en série. Ah, le serial killer. Un serial killer. Il shoote 2 fois dans des chats. Oui. Sur 4. Mais il le fait avant de tuer quel projectionniste? Est-ce qu'il le fait avant de tuer Checky Cario et Jean-Pierre Bacri? Jean-Pierre Bacri et Daniel Gélin? Daniel Gélin et Eddie Mitchell? Ou Eddie Mitchell et Checky Cario? Alors, il y a Bacri, ça c'est sûr. Donc Bacri, c'est ou Bacri Cario ou Bacri Gélin. Bacri Cario. Tu valides? Et je valide. Et c'est une mauvaise réponse. Et c'était quoi alors, dis-moi? Eddie Mitchell et Checky Cario. Oh punaise. Ah ouais, elle est en train de faire le signe de la victoire et ses bras sont tombés. C'est beau à voir. Et oui. Eddie Mitchell, c'est la scène bruitée à la bouche. Ouais. Et, ah oui, okay. Ouais, et Checky Cario, bah, c'est... C'est la scène avec le chat et Checky Cario. Voilà, et le chat avec attention, ça va trancher, attention, chérie. Attention, ça va trancher, chérie. Combien? Combien avec le... Combien? Combien le manteau? Ah oui. Et avant de mourir, il m'a offert ce magnifique manteau. Il a dit banco. Il a dit banco. Mettez-moi 30 de sucre. C'est son meilleur rôle, à Valérie Le Mercier. Extraordinaire. 30 de sucre avec la tasse de café géante. C'est que... bon. Bon bah j'ai pas eu le point. Voilà. C'est pas grave. Bibou, il faut que tu égalises. Oui. Ouais, ça serait bien. Bah, surtout sur celle-là. Ah, tu me dis ça depuis tout à l'heure. Oui, en plus, oui, je te pense mettre la pression à chaque fois. Dans le film Rocky, ouais, de John G. Avildsen en 1976, combien de fois Rocky monte les fameuses Rocky Steps, les marches menant au musée d'art de Philadelphie? Est-ce que c'est 0, parce que c'est dans le 2 qu'il monte les marches pour la première fois? Est-ce que c'est... C'est dégueulasse. Est-ce que c'est... Je sais. Est-ce que c'est 1 fois? Est-ce que c'est 2 fois? Ou est-ce que c'est 3 fois? C'est dégueulasse. C'est vrai. Alors, attends. Attends. Est-ce que c'est 0, donc, parce que c'est dans le 2 qu'il monte les marches, ouais, pour la première fois, en fait? Ou est-ce que c'est 1 fois? Est-ce que c'est 2 fois? Ou est-ce que c'est 3 fois? Dans quand le premier fois, film, ça veut... d'ailleurs qu'il le monte deux fois. Il fait pas. C'est-à-dire qu'il remonte une fois, il redescend, et il remonte une deuxième fois, ce qui serait une scène. Non, en deux scènes différentes. Si c'est deux ou trois fois, c'est en deux scènes ou en trois scènes différentes. Ok. Je vais prendre des jokers à Fanny qu'elle n'utilise pas. Et moi je suis d'accord et je lui donne. Tu lui donnes. Ah, c'est dégueulasse. Non, mais je te le donne. Non. Tu veux un joker, je te le donne. Vas-y, je te le donne. Allez, vas-y, je te donne. J'en ai pas besoin. Et moi je vais gagner 100. Alors, j'aurai pas beaucoup de points, mais je vais gagner 100. Alors, je pense que c'est dans le. Non. Attends. C'est horrible ce que t'as fait, Yannick. C'est génial, j'adore. C'est dans le 1 ou le 2 qui les monte. Ah, grande question. Je crois que c'est dans le 2 qui monte les marches. Hein. Pour la première fois. Et donc dans le premier film, il ne monte pas de marche. Comment il dit ça? Ah, et donc dans le premier, il ne monte, il monte pas l'escalier. Il monte l'escalier. Parce que je sais qu'il a un appart au premier étage, donc là, il monte cet escalier. C'est pas celui-là. C'est les Rocky Steps. Après, pour rejoindre la salle de sport qui est aussi à l'étage, voilà. Là, il y a un escalier. Oui. Là, on est d'accord. Pour aller chez Adrienne, il y a un escalier oui, aussi. Oui, il y a un escalier aussi. Attends. Non, il monte deux fois. Tu valides ta réponse? Dans Rocky 1. Dans Rocky 1, il monte deux fois les marches. Est-ce que c'est ta réponse? Oui, allez, je valide. Et c'est une bonne réponse. Voilà. Oh. Il monte la première fois au bout de 1h14 de film, où il peine comme tout d'ailleurs, il arrive en haut complètement exténué, et la deuxième fois au bout de 1h32, t'as vu j'ai bien fait mes devoirs, il la monte, mais alors tranquille Mimille, il arrive en haut, à peine une goutte de sueur. Ah ouais. Et oui, parce tu que sais qu'ils ont retiré la statue qu'il y avait en haut des escaliers. Oui, elle est en bas maintenant. C'est vrai? Oui, elle est en bas. Ouais. Non, mais ils sont en bas, ils sont cons. Elle est en bas, ouais. C'est, ça faisait, je crois que ça, c'est parce que ça faisait. Il y avait trop de monde en fait qui montait, qui restait dans les marches, en haut, juste ouais. Pour la statue, alors que les gens voulaient aller au muséum d'art de Philadelphie. Ouais, c'est compréhensible en fait. Et donc, du coup, maintenant, elle est en bas. Et en fait, c'est pendant la scène de l'entraînement, la fameuse scène d'entraînement. Mm. Du début, okay. La première scène au début, puis la dernière quand il termine son entraînement, en fait. D'accord. Et ben voilà. Donc c'est bien, de... c'est et ben bien dans l'égalité, je crois, que Bibounette. Voilà. Oui, on a égalité. Ouais. Mais moi, j'ai deux jokers. Tu as deux jokers. Ça t'a mis un petit doute, hein, le 0 fois. Hein. Mais complètement, en fait, ouais. Pas qu'un peu. Ah ouais. Il a cherché, il est en train de compter le nombre de fois. Attends. Si, il monte les escaliers. Attends. Oui, bah oui, il les monte. Non, bah non, c'est dans le deuxième. C'était exactement le même jeu. Surtout dans une saga comme ça, j'avais tellement l'impression que c'était dans le 1 que je me suis... T'as le doute qui arrive. En disant « Attends, c'est peut-être pas le 1, en fait. » Non, bien joué. Bravo, bon. Belle question. Merci beaucoup. Bibounette. Je suis prête. Voilà. Et ça, c'est une question sur un film que j'ai vu grâce à vous. Et déjà, merci, parce que j'aurais jamais regardé ce film sans votre conseil. D'accord. Puisque c'est un film français avec Max Boublil et ça commençait déjà très mal pour que ça me donne envie de voir le film. Oui, je vois quel film. Voilà, mais il est génial, j'ai vraiment adoré. Donc dans le film Play de Anthony Marciano en 2018. D'accord. Alors là, je l'ai vu qu'une fois. D'accord. Dans quelle ville Max et Emma s'embrassent pour la première fois? Est-ce que c'est à Venise? Non. À Madrid? Oui. À Barcelone? Non, c'est ou à Paris? C'est Barcelone. Tu valides Barcelone? Je valide. Et c'est une mauvaise réponse. C'était Madrid. C'était Paris, puisque ils s'embrassent à Barcelone, ouais. Sur le pédalo. Oui, voilà, moi je pensais voilà. À cette scène-là. Sauf que quand ils sont plus jeunes, ils jouent à Action et Vérité. Ah, et oui. Emma choisit d'embrasser Max. Elle a le choix d'embrasser c'est les garçons vrai. Qu'elle veut. Ah, exact, c'est un c'est petit vrai. Bisou tout timide. Oh, c'est un oui. Tout petit piou d'adolescent. Ouais, ouais. C'est les petits piou ouais. De 12-13 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. 12-13 ouais. Ans, ouais, ouais. C'est ouais. Mignon. C'était pas le jeu de la bouteille? Non, c'était, non, c'était Action Vérité. Ok. J'ai revu le film une deuxième fois pour... Oh là là. Ouais, ouais. Bon, bah écoute, je me suis trompée. Eh oui. En même temps, je l'ai vu qu'une fois, tout donc ça n'a pas la ma mémoire. Et donc... elle est... Il a... Non, je disais, t'as bien choisi les questions pour nous... Pour piéger, oui. Ah nous, ouais. Induire en erreur. Oui, oui. C'est bien ça. Joué. C'est mon petit côté vicieux, tout vicieux. À fait. Je cherchais quelque chose d'un petit peu plus sympathique, mais non, c'est mon petit côté vicieux. Voilà, bah, on voit des facettes de ta personnalité. Qui, voilà. Ah, je vais me piéger. Est-ce que Séverine les connaît? Malheureusement pour elle, oui. Et je ne sais pas en dire plus. Est-ce que Séverine a vu ton historique Google déjà? Il vaut mieux pas. J'ai un mode privé où il n'y a pas d'historique Google. Bien joué. Merci. Bon. C'est la base. Prêt à passer devant, mon petit bibou? Oui, carrément. Alors, non. Bah si. Non. Bah si, 5 partout. C'est pour le passer devant ou le petit bibou? Les deux. Les deux, mon capitaine. Mon cher Julien, es-tu prêt à passer devant? Oui. Oui, mon petit. Alors, nous avons une question sur la carrière de Tom Cruise. Ah, ok. Qui a eu quand même une carrière assez incroyable avec des collaborations assez dingues niveau réalisateur. Ça, c'est vrai. Spielberg, oui. Scorsese, Ridley Scott, Michael Mann, Kubrick et tellement d'autres. Mm. Mais avec quel grand réal n'a-t-il jamais tourné? Ok. Tony Scott? Alors Jean-Marie Poiré. Jean-Marie Poiré. Je valide Jean-Marie Poiré. J'ai hésité à la faire, mais je me suis dit qu'elle était peut-être trop simple. Excuse-moi. Oui, y a pas de mal. Est-ce que c'est Tony Scott? Est-ce que c'est Jean-Marie? Non, je déconne. Est-ce que c'est Steven Soderbergh, Oliver Stone ou Francis Ford Coppola? Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que t'allais dire Francis Lalanne, mais il n'est pas réalisateur. Alors, pas encore. Tony Scott, ça doit être collatéral, il me semble. Donc oui. Il te reste Soderbergh, Oliver Stone ou Francis Ford Coppola. Oliver Stone, moi je dirais oui aussi. Ouais, je dirais oui, mais j'ai pas les films en tête en fait. Donc Coppola, je suis quasiment sûr qu'il a joué Coppola. Non, Oliver Stone, il a joué avec, c'est sûr. Mm. Je crois que c'est un truc avec la banque. La firme. Je crois que c'est la firme, ça s'appelle. Il a fait un film comme ça, d'Oliver Stone. Est-ce que tu peux me les rappeler une dernière fois? Bien sûr. Nous avons... Je vais me taire parce que je suis en train de t'aider. C'est gentil. La gentillesse même. Nous avons Tony Scott, Steven Soderbergh, Oliver Stone ou Francis Ford Coppola. J'ai envie de dire Soderbergh, là. De toute façon, j'ai plus de joker. Je vais valider cette réponse. Et c'est une bonne réponse. Un sixième point. Bien joué, Bibou. Tony Scott. Bon, bah, c'est Top Gun. C'est Jour de tonnerre. Ah. Oui, évidemment. Et j'aimerais juste faire une petite parenthèse quand même sur Tony Scott. Parce que quand on regarde la liste des films qu'il a fait... Top Gun, Flic de Beverly, Jour de tonnerre, Le Dernier Samaritain, True Romance, USS Alabama, Le Fan, Ennemi d'État, Spy Game, Man on Fire, Domino, Déjà Vu, L'Attaque du Métro 123 et Instoppable. Quand même. C'est pas le bon Scott qui est parti, malheureusement. Quand on voit la fin de carrière, pardon, c'est clair. Il me manque tellement ce réalisateur. Bref. Complètement, ouais. Je suis bien d'accord avec toi. Ah ouais, je pense que bientôt, j'aimerais faire une série Tony Scott d'affilée, parce que là, il y a trop de bons films. Ouais, Oliver Stone s'était né un 4 juillet, en 1989. Ah, et Francis Ford Coppola, c'est Outsiders, en 1983, un des premiers films de Tom Cruise. Ah ben, je l'avais pas, celui-là, tu vois. Okay. Moi, je pensais que tu allais peut-être me dire justement Coppola. Mais bon, bien joué. Alors, je reviens juste sur ce que j'ai dit par rapport à la firme. C'est Sidney Lumet, non? Non, c'est Sidney Pollack. Sidney Pollack, ouais. Ah oui. Voilà, et il y a bien Tom Cruise dedans, scénario de John Grisham. Grisham, tiré de son livre, John Grisham. Exactement. Ouais. Extraordinaire film, la firme. À l'époque où Tom Cruise faisait des films qui n'étaient pas forcément écrits pour lui, il était extraordinaire. C'est l'époque où il était encore bon, en fait. Bah, quand tu... Oui, il n'est pas mauvais maintenant. Ouais. Mais tu prends... c'est terrible. Quand il est pilote d'avion et qu'il transporte de la drogue, vous l'avez vu? Ça me dit rien, là. J'ai perdu. Ah, je l'ai mangé le nom du film. C'est tiré d'une... Je vais digérer après. Mais... Mais oui, c'est un film où il est pilote d'avion, il transporte de la drogue pour des trafiquants colombiens. C'est un vieux film. Non, c'est un film tout récent. Barry Seal. Ah d'accord, ah, ben que j'ai pas vu. Je fais comme si j'avais pas cherché sur internet. Oui, Barry Seal, génial ce film. Justement, ça change un peu, tiré d'une histoire vraie. Et c'est un très très très bon film à voir. Moi, j'avais été le voir au cinéma et on s'était éclaté avec un pote à le voir. D'accord. Mmh. Okay. Bon, bah, ça sera peut-être un film à regarder. Oui. Et justement, ça change de pas le voir en méga super héros capable de faire tout ce qu'il veut, de sauter d'un avion ou de grimper sur un avion en marche, etc. Et c'est agréable de le revoir dans ce genre de rôle. Oui, d'accord. Ouais, j'avoue, les missions impossibles, c'est un peu fatigant. Enfin, bah, c'est la même chose. Oui. Même si c'est sympa, hein, mais c'est vrai que c'est bien de le voir dans autre chose. C'est ça, voir être capable quand t'es en tant qu'acteur de sortir de ton rôle en fait, de sortir du même rôle tout le temps. Bah écoutez les amis, je crois que je suis passé en tête. Oh en fait. Ça va, ça suffit. Non, il fallait le dire, il fallait que ça soit dit. Tu reprends la main, la première fois depuis le début du jeu. Cool. Profites-en. Bibou... T'as une minute de tranquillité. Bibounette. Oui. Quelle chanson n'est pas chantée par Jack Malik dans le film Yesterday? D'accord. Est-ce que c'est Let It Be? Est-ce que c'est Back in USSR? Est-ce que c'est le Yellow Submarine? Ou est-ce que c'est Obladi Oblada? Obladi Oblada. Tu valides? Je valide. Et ouais. C'est une mauvaise réponse. Arrête. Si, il la chante à la fin. C'est la toute dernière chanson quand il est à l'école avec tout un tas d'enfants, plus plus la charmante Lily James. Let It Be la chante dans le salon chez ses parents, au piano. Il essaye de la chanter d'ailleurs, il est tout le temps interrompu. Et Back in USSR, il la chante en première partie. Du concert. Voilà. Ah, mais par contre, Yellow Submarine, c'est les gens qui se souviennent aussi. Et qui lui donnent un sous-marin jaune pour qu'il puisse accepter de les voir. C'est ça. Tout à fait. C'est ça. Bon. Bah, ben voilà. C'est un point perdu bêtement. Ah oui. Non, bêtement, pas tout. Non, c'était pas. Donc, t'as peut-être. Tu l'imagines. T'as pas assez réfléchi. Ouais, je pense que j'ai répondu trop vite. C'est ça. Ça me fait défaut la vitesse. Voilà. Bon. Bah, tant pis. Tant pis. J'ai pas eu le point. Tant pis. Tu creuses l'écart, Julien? Oh. Hein? Le principe du film Yesterday de Danny Boyle en 2019 est que les Beatles n'ont jamais existé. On apprend aussi que d'autres choses n'ont jamais existé. Mais qu'est-ce qui n'a pas disparu dans ce film? Est-ce que c'est Harry Potter, l'iPhone, les cigarettes ou le Coca-Cola? Alors, Coca-Cola n'a jamais existé, cigarettes n'ont jamais existé, iPhone et Harry Potter. Je crois qu'Harry Potter n'a jamais existé. Donc, c'est l'iPhone. Donc, ça serait l'iPhone, en fait. Tu valides? Je valide. Et c'est une bonne réponse. Ah. Putain, ça m'énerve. Oui. Et oui, non. Le Coca-Cola, il demande... Ben, nous, on l'appelle Coca-Cola, mais en Angleterre, c'est un Coke. C'est ça. Et donc, quand ils demandent un Coke, il y a des gens, ils demandent comme s'ils demandaient un rail de la Coke. Les cigarettes non plus. Et Harry Potter, c'est à la fin du film. On apprend que Harry Potter n'a jamais existé. Et ben voilà. Ah, l'effet Beatles, ça a un impact sur beaucoup de choses. Parfait. Et ben, c'est un 7e point. Ouais, je suis dégoûtée. Dis-moi qu'il y a encore des questions, Yannick. Oui. Oh, bah ça va, je peux me refaire. Oui, c'est bon. Il y en a plein et. Il y en a plein! Il y en a plein encore! par contre, peut-être pas sur celle-là. Bref. Non! C'est pas grave, sinon je prends un joker. Tu prends un joker. Ouais, je pense que tu vas le prendre. On va voir. Bibounette. Yannick. Pour lequel de ces films le grand Ennio Morricone n'a pas composé la musique? Est-ce que c'est Mission to Mars de Brian De Palma en 2000? Est-ce que c'est Lolita d'Adrien Lyne en 1997? Est-ce que c'est Red Sonja ou Kalidor en 1985 de Richard Fleischer? Ou est-ce que c'est La Vengeance aux deux visages de Marlon Brando? Ah oui, elle est gratinée celle-là. Ouais, elle est gratinée, hein. Alors, je vais faire le super moite. Super moite. Super moite. Je t'en tire trois. Ouais, je te promets deux jokers. Bah si, tu fais deux jokers l'un après l'autre et comme ça, tu auras la bonne réponse. Non, je fais le moite. Le moite. Le super moite. Je te laisse Mission to Mars de Brian De Palma ou La Vengeance aux deux visages de Marlon Brando. Qu'il n'a pas composé. Je prends Mission to Mars. Tu valides? Ouais, je valide. Et c'était La Vengeance aux deux visages. Ah bah oui, c'est de Marlon Brando. Ouais. Voilà. Elles sont belles, il y a des belles envolées dans Mission to Mars aussi. Bon bah voilà. Ça c'est fait. Ça c'est fait, ça reste à 5. Alors, ah oui. Ah, celle-là, elle est exprès pour toi, Julien. Ah. Je sais que tu aimes bien la saga Rocky. Et donc, j'en ai préparé une autre. Dans l'ensemble de la saga Rocky. Donc de Rocky 1 à Rocky Balboa, le dernier. On ne parle pas des Creed. D'accord. Quel est le ratio victoire-défaite de Rocky? Oh là là. Alors attention, je ne prends pas en compte le résumé des combats au début du 3, où il se bat, on voit plusieurs résumés de combats au tout début du 3, où il se bat contre un champion allemand ou autre. Des vrais combats qui sont filmés, combien... Quel est le ratio de victoire-défaite? Est-ce qu'il a 4 victoires et 2 défaites? Est-ce qu'il a 4 victoires et 3 défaites? Est-ce qu'il a 3 victoires et 3 défaites? Ou est-ce qu'il est à 5 victoires et 2 défaites? J'en ai aucune idée. Tu réfléchis un petit peu, tu peux trouver. Ouais. Compte déjà ses victoires dans le 1 et le 2, ça va te mettre sur la piste. Les vrais combats qui sont filmés. Il faut que je me rappelle de tous les films. Ah bah, cherche un peu. C'est culte. Hein ? C'est culte comme film. Tous. Je pense que si tu cherches un tout petit peu, tu vas trouver déjà si c'est 3 ou 5. Alors, j'aime bien les Rocky, mais je ne suis pas le premier fan des films Rocky. Donc, Alors, redis-moi s'il te plaît les réponses. Alors, 4 victoires et 2 défaites. 4-2, ok. 4 victoires et 3 défaites. Ouais. 3 victoires et 3 défaites. 5 victoires et 2 défaites. J'ai envie de dire 5 victoires et 2 défaites. Réfléchis bien. Je ne te dis rien, mais tu peux trouver en réfléchissant. T'as dit quoi? C'est 4 victoires et 3 défaites? Il y a 4 victoires, 2 défaites, 4 victoires. 3 défaites. 3 défaites. 3 victoires, 3 défaites ou 5 victoires et 2 défaites. Ouais. Bon, alors en me disant ça, tu m'as un petit peu aidé quand même, Yannick. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors 4 victoires, victoires et 3 défaites. Et je vais valider parce que vraiment j'en ai. Je sais pas trop en fait. Tu valides 4-3? Ouais, je vais prendre ça, ouais. Bon, c'est une bonne réponse. Ah. Ah, oh, ça m'énerve. Il gagne contre. Alors le plus dur c'était de trouver en fait si tu. Refaisait... 4-3 ou 4-2. Ouais, parce qu'en fait, au tout début du 1, il gagne contre Spider Rico. Le tout début du premier film. Et après, il perd contre Apollo. Il perd contre Clubber Lang dans le 3. Il perd contre Mason Dixon. Donc, il a 3 défaites. Et une victoire. Et il a 4 victoires au total. Parce qu'il bat Apollo, Spider Rico. Ah, voilà, il bat Ivan Drago et il bat Clubber Lang. Okay. Et si on va plus loin, Rocky, c'est 81 combats, 57 victoires, 23 défaites et un match nul. Ouais, quand même, hein. Ouais. Okay. C'est pas n'importe qui le Rocky. C'est pas n'importe qui. Attention, hein. T'as ta gueule. Bon, ben, ma petite Fanny, je suis désolé, mais t'as du retard. Ouais, je sais, comme le lapin. Comme le lapin. Mais là, on va faire un petit jeu. Oui. Ça va, la 15e question, on va faire un petit jeu. D'accord. Qui sera le jeu des enchères. Ok. Ah oui, le fameux jeu des enchères. Je vais donc vous donner un thème. D'accord. Il faudra vous battre l'un contre l'autre en me donnant le nombre de bonnes réponses que vous êtes capable de me donner par rapport à ce thème. D'accord. Ok. Ça vous va? On y va. Ça vous va. Premier thème, les planètes de Star Wars. Oh là là là. Oh, pop. Combien de planètes de Star Wars vues dans les films, on ne parle pas de tout ce qui est univers étendu, jeux vidéo, vues dans les films, êtes-vous capable de me donner qui commence à me donner une première enchère. Alors, je te laisse le... La main. Fanny. Donc, c'est Fanny qui fera donc du coup la main sur le premier. Fanny, tu commences. Une. Alors, attends. Non, mais tu sais, faut pas viser très haut. Hein, l'étoile de la mort. Ah non, on a dit planète. Oui, j'en ai aussi une blague. C'était voilà. On peut pas, hein, l'étoile de la mort. Hein. Sûrement pas. Non, non, bah voilà. C'est pas une planète. Bah voilà. Bon, je vais dire 3 comme ça, je me prends pas trop la tête. Je m'incline. Ouais. Oh, déjà ? Bah ouais, je... Ah, ouais. Bon, bah si tu m'en trouves 3, Julien. C'est à toi. Alors, classique, hein, Tatooine, oui. Endor et Alderaan. Alderaan, tu l'as bien dit. Ok. Voilà, bien joué. Il y avait Naboo, Kashyyyk, Coruscant, Yavin 4, Kress, Dagobah, Mustafar, Bespin, Hoth et tant d'autres. Bah voilà. Voilà. Okay. Bon. Bien joué, Julien. Bien joué, Bibou. Première manche. Première manche. Alors, deuxième manche. Combien de trilogies et pas de films où il y en a 4, 5 ou 6, vraiment des séries où il n'y a que 3 films? D'accord. Pouvez-vous me donner? C'est qui commence? C'est Julien. Il n'y en a que 3. Je veux des trilogies. Que trilogies. Ok. Ah, mais la honte que je suis en train de me payer dans cette émission. C'est clair. Pas possible. C'est pas possible. Là, on est mauvais. On est mauvais. Parce qu'il y a toujours une histoire d'un film qui ressort 10 ans après, ou un truc comme ça. Là, tu veux vraiment trilogie. Une vraie trilogie. Et on ne prend pas en compte les futurs films. Hein. D'accord, ok. C'est toi qui commence, hein. Ouais, bon, j'en ai un pour l'instant. Voilà. Je suis fatigué aujourd'hui. Vous êtes ? Je suis fatigué. Pour le moment, j'en ai qu'un aussi. Putain, mais moi, je suis mauvaise aujourd'hui. Attends, faut que je compte si j'ai bien ma deuxième trilogie. Et je crois que... Ah non, je pars sur 2. Tiens, ah bah attends. Ah non, non, non, t'as dit 1. Ah, j'ai pas le droit. Ah, t'as dit 1. T'as dit 1, c'est ta Fanny de répondre. Mais je dis 2. À toi, Bibou. Non, mais j'aurais pas plus. Allez, vas-y. Ah, le sac. Il te manque des points, là, donc... Je les ai pas. Tu les as pas. J'ai bluffé. Ça te sert à quoi de bluffer ? Eh ben, je pensais que t'allais... J'ai bluffé. Ah, c'est Martini. Le jeu aussi. Hein. Elle a bluffé, Martini. Bon, tu essayes ? Comment ça se... Tu essayes de m'en trouver. Si tu trouves pas le point, va à Julien, parce que ça y fera une deuxième manche. Ah, il a le point. Moi, j'ai retour vers le futur. Et t'en avais pas d'autres ? Ben non. Ah, je suis mauvaise aujourd'hui. Quand je vais te dire tout ce qu'il y a. Ben, ah non, mais je suis mauvaise aujourd'hui. Ouais, ouais. Ben, y avait Fantomas... Darkman, oui. L'Histoire sans fin, les Batman de Nolan. Il y en a 3 de l'Histoire sans fin. Il y en a 3. Ouais. Retour vers le futur, Kung Fu Panda, Le Parrain, les Spider-Man de Sam Raimi, Matrix, Men in Black, Tekken, Expendable, la trilogie du dollar, Marius, Fanny et César, le syndicat du crime, L'Exorciste, Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, j'aurais pu compter comme 2. Voilà, il y en avait plein. Bon, okay. Eh ben, il n'y aura pas. On fait la troisième manche juste pour rigoler ? Allez. Juste pour rigoler. Le point va à Julien qui mène donc 9 à 5. Là, c'était les films live tirés de jeux vidéo. Ok. Combien vous pouvez m'en citer ? Et il y en a un nombre impressionnant. Bah, allez, comme ça, sans même comme réfléchir, ça. 4. 4. Des films tirés de jeux vidéo. Oui, des films live. Qu'est-ce que tu entends par film live ? Bah, des films avec des vrais acteurs, pas des dessins animés. Pas films d'animation, quoi. Ouais, okay. Ouais, 3, moi 3. Mais Julien, 4, tu tentes ? Alors, film, pas saga, j'imagine. Hein. Non, film. Ah bah, okay, bah saga. Si, saga, ça compte un film, je veux juste des films. Ça. D'accord, ok, très bien. Bon, alors, Tomb Raider, Assassin's Creed, Mario Bros. Oui. Max Payne. Par exemple. T'as les 4. Double Dragon, Street Fighter, Mortal Kombat, Warcraft. Wing Commander, wow. Resident Evil, Warcraft, Resident Doom. Ah oui, Doom. Il y en a énormément. Hitman, il y en a. Je me suis arrêté à un moment donné, j'en avais trop, ça tenait plus sur ma page. Eh ben bravo. Bravo Bibou. Okay. Et on s'est pris une honte là, monumentale. La trilogie, ouais, j'ai pas aimé. Ouais, j'ai pas aimé là. Je couperai ça au montage. Ouais, c'est clair. Ce sera là comme si tu venais d'avoir ton point. Voilà. Non, mais ce soir on va re-enregistrer par-dessus. Oui. Des trilogies, bah moi j'en ai 7 et toi Bibounette. Oh, moi j'en ai 10. Bon. Et puis on imitera Yannick qui fait. Oui. Ah, mais vous êtes trop fort. Oh, tu fais vachement bien. Ouais, t'as vu. Oh, mais vachement bien. Oh, tu vois. Non, je vais reprendre ta voix, nickel. On va faire des montages de ta voix, on va te faire dire n'importe quoi. Voilà. Mais je peux isoler des mots dans le montage. Hein. Oui, puis refaire une non. phrase. Tu diras juste pendant 5 minutes oui. Non. Non. Ou tu vas rigoler. Bon, en tout cas, bravo, bien joué, hein, tu nous as eu. Hein. Bravo. Bon, pour Merci. Notre défense, c'est vrai qu'on est un peu fatigué. Aussi, ensemble, oui. Donc, voilà. Voilà. Puis elles sont mais peut-être bon, pas évidentes. Bon. Ah, la plupart sont pas évidentes, non. Ouais. Bah, le truc de la trilogie, si. Bah, c'est là, par contre, ouais. Même là, par jeu contre, vidéo, ouais. Mais c'est... Ouais. Là, je. C'est pas une excuse, mais c'est vrai que c'est plus la fatigue, là. C'est vrai. Mais c'est pas une excuse. Mais c'est pas une excuse. Ça ouais. suffit maintenant. Bon, du coup, maintenant, il faut que je rattrape bah, 4 points. Oui, et donc ça veut dire qu'il faut quasiment, faut même plus que tu te loupes. Oh là là. Parce qu'il reste 5 questions, si j'ai bien compté. Oui. Okay. Mais c'est faisable. Et en espérant que Julien se plante lamentablement dans les prochaines, ce qui me et semble faisable, compliqué. Ouais. D'accord. Annie. Yannick. Dans... à chaque question. J'ai gagné voilà. un point. Allez. Dans Pulp Fiction. Décidément. Bah, décidément. Et le pire, c'est que c'est pas fini. Butch et Marcellus sont prisonniers de Zed. Oui. Butch arrive à se libérer et cherche une arme oui. pour aider Marcellus. Il hésite oui. entre plusieurs avant de choisir le katana. Oui. Quelles sont les 3 autres armes avec lesquelles il hésite? Tu les as? Non. Est-ce qu'il je te déteste. Je sais. Aussi, je te déteste. Est-ce que c'est une clé anglaise, une tronçonneuse et un marteau? Est-ce que c'est une tronçonneuse, un marteau et une batte de cricket? Une clé anglaise, une perceuse et une batte de baseball? Ou alors une tronçonneuse, un marteau et une batte de baseball? Le dernier. Le dernier, tu valides? Ouais, le dernier, sans hésiter, je valide. Oh, bravo! Ouais. Ouais, bien je joué. Me focalisais là sur les... Je savais ouais. qu'il y avait la tronçonneuse et la batte et je cherchais lequel... voilà. Bien joué, bien joué. J'ai mon point. Tu as ton point? Ouais, j'ai pris ma revanche Pulp Fiction. C'était pas sur celle-là. Tu vas pouvoir prendre ta revanche, ça sera sur la 19e. Oh là cette là. Scène est tellement bien. Oh là. Je vois, ouais. J'ai la scène en tête oh là, ouais. exactement, quoi, à la seconde près. Ouais, extraordinaire. Quand il prend une... Ouais. Non, parce qu'il envoie une autre, ouais. et à la fin, ouais. il lève la tête et il voit le katana. Et... Ah ouais. Ouais, ça y est, je, ouais, ça y est, je l'ai. Ce qui, ouais. qui annonçait Kill Bill hein, quand il pense. Hein. Mm. Exactement. Mm. Bah, c'est ça. Ouais. Oh, c'est ce qu'il voulait. Oui. Avec encore plus la... quand ils sont dans le restaurant et que Mia Wallace raconte le pilote d'une série. Oui, exact. Et c'est ouais. exactement là-dessus ouais. après qu'il a fait Kill Bill. Hein. C'est vrai. Ouais, ouais. Bien joué. Bravo, bravo. Merci. Bien joué à toi aussi. Fallait quand même la trouver merci. Parce que le mélange des armes n'était pas forcément évident. C'est vrai, mais merci. Oui. Merci, merci. Ah, Bibou. Il va Yannick. Se planter. Dans Terminator 2. Ça va être... Dans Terminator 2 en 1991. Oui. Comment a fait James Cameron pour filmer les scènes où des personnages font face à leur double quand le T-1000 prend leur apparence? Est-ce que c'est le même acteur qui joue les deux rôles, la scène est filmée 2 fois, puis via un habile montage, les 2 scènes n'en font plus qu'une? Est-ce que c'est une doublure qui est filmée de dos, ce qui fait que ça donne l'impression d'avoir un double à l'écran, mais en fait on ne voit jamais les 2 visages en même temps? Mmh. Est-ce que James Cameron a embauché des jumeaux? Ça coûte moins cher et c'est plus facile. Ou est-ce que via un jeu de miroir, James Cameron arrive à donner l'impression que l'acteur est 2 fois à l'écran? Après tout, Cameron est le roi du bidouillage via ses années passées avec Roger Corman. Ah oui, c'est vrai. On parle bien d'une scène en particulier. De en fait, toutes les scènes. Ah, de toutes les où scènes. Où il y a des doubles à l'écran, doubles qui a été dont l'identité en fait est prise par le T-1000. C'est ça. Comment James Cameron a fait? Tu veux que je te redonne les quatre possibilités ? Je veux bien. Est-ce que c'est le même acteur qui joue les deux rôles et après, via un montage, t'as l'impression qu'ils sont tous les deux face à face, en ayant tourné la scène deux fois ? Mmh. Est-ce que c'est une doublure en fait qu'on voit de dos, ce qui donne l'impression que c'est un double alors qu'en fait on voit jamais les deux visages en même temps? Est-ce que James Cameron a embauché des jumeaux, ou est-ce que via un jeu de miroir James Cameron a réussi à donner l'impression que les deux acteurs étaient face à face et donc il y avait un double alors qu'en fait il y avait qu'un seul acteur? Quand on connaît la réponse, on peut la donner pour avoir un point en plus ? Non, tu peux la donner pour humilier Julien, si tu veux, quand il n'aura pas trouvé. Et faire le rire comme dans les Simpsons. C'est clair. Nelson. Alors, j'ai envie de dire de jumeaux, tellement c'est simple. Et il me semble qu'il y a un acteur qui l'a embauché des jumeaux pour une scène. Mais est-ce qu'il a fait pour tout le film ? Je sais plus. Il m'énerve. Attends. Non, je vais partir sur des jumeaux. Tu valides ? Tout simplement des jumeaux, ouais. C'est une bonne réponse, oui. Ah. Il valide les jumeaux et même la sœur jumelle de Linda Hamilton. Ah, ok. D'accord. Qui d'ailleurs, j'ai appris en cherchant, est décédée l'année dernière, à l'âge de 63 ans, et qui était infirmière de profession, qui a juste tourné dans ce film-là deux scènes, dont une qui est coupée. Sais que le médecin... Enfin, un des gardes que tu vois, donc il y a son double, un petit peu costaud. C'est son jumeau. Mm-hmm. Et en fait, c'est les mêmes acteurs qui sont jumeaux dans Gremlins 2. Ah oui. Dans le laboratoire. Oui, exact. Qui font des tests et ils veulent. Et puis on les voit tous les deux sur le même plan. Ils sont sur le même plan, les jumeaux. Ouais. Voilà. C'est parce que je connaissais cette anecdote, parce que j'avais vu les jumeaux dans Gremlins 2. Je me disais, putain, je les ai déjà vus quelque part, et hop, Terminator 2. Enfin, je revois Gremlins 2, là, par contre, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Ah, celui-là, oui, moi aussi. I wanna be a part of it. New York, New York. Ok, bah... Bien joué. Oui, c'est bon, ça va. Bien joué. Ton 10e point. 10 à 6. 10 à 6. Ça va commencer à devenir compliqué. C'est chaud, Sister. Sister Gun. Alors, question numéro 17. Dans l'excellent Jusqu'en Enfer de Sam Raimi. Pour quelle raison la gentille dame âgée, ou la vieille sorcière, en fonction de quel côté on se place, lance-t-elle un démon contre Christine ? Est-ce que c'est parce qu'elle lui refuse un prêt pour les études de sa petite fille ? Est-ce qu'elle lui refuse un prolongement de prêt pour sa maison ? Est-ce qu'elle lui refuse un découvert bancaire ? Ou est-ce parce qu'elle manque de l'écraser en voiture ? C'est le prêt pour sa maison. Oui. Et je valide. Et tu valides, bien joué. Et oui. D'ailleurs, c'est toi qui m'as conseillé ce film. Oui. Elle est horrible, la grand-mère. Est terrible, ce film. Oui, mais c'est Yannick qui m'en a parlé. Ouais. Elle est... La scène du souterrain, quand elle se fait agresser par la elle est... elle insiste, la grand-mère. Elle est horrible, cette scène. Ah ouais, moi, je l'ai vue au cinéma. Et avec Séverine, je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas flippé au cinéma. Mais flippé, quoi. Ouais, il est terrible. C'est impressionnant, sur grand écran. Ah, sur grand écran, en plus, on était en vacances dans le sud. Il faisait mauvais. On a été se cacher au cinéma tellement qu'il pleuvait. Et on a été le voir comme ça, sans savoir. Et ça faisait longtemps que j'avais là, pas. Là, celui que j'ai hâte de voir, et je pense que ça va être une des toiles que je vais me faire, c'est Conjuring 3 qui sort cette année, là, tu vois. Je pense que. Ils sont assez intéressants pour ça. Eh ben, je remonte. Tu remontes, mais ça va être compliqué comme. Tu as 5-7. Ok. Alors du coup, moi je dis ça à 7. Je n'avais pas noté, pardon. Et Jacques n'a pas beaucoup. Ça suffit, hein. Ça suffit. Et j'ai utilisé un joker. Et tu as utilisé un joker, et t'en reste encore un. Tout à fait. Cher Julien, question de Fanny, tiens. D'ailleurs, je me demande même s'il ne reste pas que des questions. Oui, il ne reste que des questions de Fanny, je crois bien. Ça ne me met pas la pression du tout. Dans Le Cercle des Poètes Disparus de Peter Weir en 1989, Neil, interprété par Robert Sean Leonard, qu'on le retrouvera en meilleur ami du Dr House, va jouer dans une pièce de théâtre qui sera pour lui une révélation. Le songe d'une nuit d'été de William Shakespeare. Mais qui interprète-t-il ? Est-ce qu'il interprète l'heure des pois ? Est-ce qu'il interprète flûte? Est-ce qu'il interprète puck? Ou est-ce qu'il interprète le bec? Alors, est-ce que tu peux me les répéter? Bien sûr. C'est fleur des bois, flûte, puck ou le bec? Bah pareil, ça fait très longtemps que je l'ai vu, mais puck, ça me dit vraiment quelque chose en fait. Donc je vais prendre puck et je vais valider. C'est une bonne réponse. Il m'énerve, voilà. il m'énerve. Bien joué. Bravo. Bon. Bravo. Merci Fanny. Mais de rien. Bah de rien. Allez, encore un point. Encore un point. Oh, ça m'énerve. Ouais. C'est une question que vu que c'est une question que Fanny t'a envoyée, tu l'aurais trouvée par exemple celle-là? Non. Non. Celle-ci, non. Je n'aurais pas été chercher sur ça. Non, je n'aurais pas été la chercher celle-ci. Ok. Non. Bien joué, Fanny. Elle était sympa la question. Elle était sympa. Oui, hein, ouais. Tout à fait. Ma petite... Ça va être galère pour remonter. Là, c'est compliqué. Ouais, ça va être même mort. Je vois pas. Ouais. D'ailleurs, je vois pas. Moi, je continue pour le fun, donc ça va. Voilà, pour la gloire, pour l'honneur. Dans le cultissime Blues Brothers en 1980, okay, on trouve une pléiade de stars de la chanson du rhythm and blues du soul des années 60 et 70. Tout à fait. Lequel de ces quatre monstres sacrés ne figure pas du tout au générique de ce film? D'accord. Est-ce que c'est John Lee Hooker, Ray Charles, Marvin Gaye ou James Brown? Marvin Gaye. Patrick Juvet, l'enculé. Ou Claude François. Marvin Gaye, je valide. Marvin Gaye, bonne réponse. Quand même. Hein. Bien joué. Oui. Quand même. Eh, vous essayez de m'arnaquer là, mais croyez quoi là? J'ai 12 ans ou quoi? On ne la fait pas moi celle-là. On ne la fait pas moi. Pas les Blues Brothers quand même. Quand même. Je crois que celle-là, Julien, tu m'avais dit de l'enlever sur le premier quiz, que c'était trop facile. Je te l'avais proposé quand j'avais fait le premier quiz et tu m'avais dit celle-là trop facile. Effectivement, tu avais raison, celle-là trop facile. Alors, j'ai un doute si je ne l'ai pas déjà faite ou on ne l'a pas déjà faite dans un premier quiz. On en a quiz. Fait d'autres sur les blues, je crois. Je ne me rappelle plus. On en a fait d'autres. Parce que celle-là, je te l'avais proposé pour les questions à Fanny et tu m'avais dit trop facile celle-ci. Ah, ouais, bah, et tu avais raison, trop facile. Et bim. Bon, je savais que j'avais quand même des questions un peu difficiles, je voulais essayer d'équilibrer un petit peu avec des questions plus sympas. Équilibrer un peu plus tôt. Un peu plus tôt. Pourquoi? Parce que je me prends une tollée quand même. Hein. Ah, c'est peut-être pas une question d'équilibrage, c'est peut-être juste quelqu'un qui est plus fort que l'autre, pas Bibounette. Dormir au salon, toi. Moi et ma victoire. Je toi et ta victoire. Oui, mais vous dormirez tout seul, tous les deux. Non. T'écouteras Queen avec Don't Stop Me Now. Voilà. Merci. De rien. Alors, dans Reservoir Dog, d'un obscur réalisateur pas très connu, Quentin Tarantino, sorti en 1992. Le dénouement porte un nom, mais lequel? C'est un terme très fréquemment utilisé dans le cinéma, les films d'action, mais aussi les jeux vidéo, ce qui tend à intensifier le caractère dramatique. J'adore tes questions, Fanny, elles sont bien tournées. Merci. Est-ce que c'est l'impasse cubaine, l'impasse italienne, l'impasse colombienne ou l'impasse mexicaine? Qu'est-ce que c'est que cette question-là? Ah bah c'est du cinéma, voilà. Tu as fait des cours de cinéma, tu t'y connais au cinéma, non, et bah, tu adores Reservoir Dog, et bah voilà. J'ai jamais entendu parler de ce terme en fait. Si, c'est un terme très très utilisé en fait. Et relativement connu. Ah oui. Oui. Et il est dans beaucoup de jeux vidéo, quand tu vas connaître le truc, tu vas te dire, ça intensifie le caractère dramatique de la scène. Et c'est, d'accord, mais... et c'est à la toute fin, la toute dernière scène, on t'en dit pas plus. Il se passe un truc et la façon dont ça se passe, ça s'appelle une impasse, mais de quel pays? Cuba, Italie, Colombie ou Mexique? On parle pas de cette scène où tout le monde a les flingues braquées sur tout le monde. Si. Ok, d'accord. Et ça, non. Tu vois, il m'énerve. Tu vois, il m'énerve. Ok, donc redis-moi, excuse-moi. Est-ce que c'est l'impasse cubaine, italienne, colombienne ou mexicaine? J'aurais envie de dire mexicaine. Tu vas énerver Fanny. C'est une bonne réponse. Cool, ok. Ouais, c'est ça. Alors, tu remarqueras quand même que je me suis fait chier à prendre des pays où il y a des problèmes avec des fusillades, quoi. Parce que c'est une impasse mexicaine et j'étais là. Mexicaine, alors colombienne, ouais, ok. Italienne, aussi. Les cinq familles voilà. mafieuses, ouais, ok. Bah, Cuba, quoi. Ça fait tellement western comme film mais que j'ai tenté de dire Italie à cause de Sergio Leone et oui. Morricone, mais non, évidemment, c'est... Ok, d'accord. Et en fait, dans Reservoir Dogs, tu sais, c'est la fameuse fusillade à la fin oui, où sûr, ils ont ouais, tous ouais. les flingues branquées les uns sur les autres et s'il y en a un qui tire, l'autre va tirer et en c'est fait, ça. Les trois meurent. Ouais. Et ça, tu le retrouves dans un jeu vidéo, tu le retrouves bien dans... Bien sûr, voilà. Ouais. Et c'est toi qui as fait du cinéma, ça me paraissait important que... C'est des scènes qui me stressent dans chaque... Dès qu'il y a ça dans un film, ça me stresse, en fait. Et ben, ça s'appelle une impasse mexicaine. Ok. Ça s'appelle surtout une victoire, en fait, Fanny. Je t'emmerde. C'est pas très gentil. Non. C'est pour ça. Si c'est ça, je serais plus jolie question. Voilà. Non, non, il y a pas. C'est pour ça que Fanny, du coup, je vais te proposer ta revanche. La vraie revanche du Pulp Fiction Gate. D'accord. Voilà. Ok. Je vais te demander de me remettre ces quatre scènes, non pas dans l'ordre chronologique, mais d'accord. dans l'ordre du film. D'accord. Ok. Est-ce que donc je te donne quatre scènes et il faut que tu me dises dans quel ordre ils sont dans le film. La d'accord. première scène que moi je te dis, c'est Vincent et Jules ont une discussion au resto juste avant le braquage sur la retraite de Jules. Resto, braquage. Resto, braquage, discussion entre Vincent et Jules. Okay. La scène de flashback qui nous explique d'où vient la montre en or de Butch avec le grand Christopher Walken. Donc on a la discussion du braquage au restaurant. Hein? Et on a le flashback. Le flashback où la montre était cachée quelque part. Nous avons le fameux concours de danse avec Mia et Vincent. D'accord. Et la dernière scène, c'est Butch qui tue Vincent qui sort des toilettes de chez Butch quand il vient récupérer la fameuse montre. Je dois te mettre dans l'ordre où c'est dans le film. Oui, c'est dur ça. Non, parce que j'ai noté les scènes voilà. et je me suis fait une chronologie, en fait. Donc, moi, je mettrais le flashback en premier. Mm-hmm. La discussion du braquage au restaurant. Oui. Après, le concours de danse. Oui. Et enfin, là où il tue Vincent. D'accord. Tu valides ? Je valide. Et tu as complètement tout faux. Oh, putain. Oh, c'était dur, jamais. La première scène, c'est le concours de danse, puisque ça arrive okay. au bout de 48 minutes. 48 minutes, la d'accord. deuxième scène, c'est le flashback qui arrive au bout de 1h04. D'accord. Ensuite, on a Butch qui tue Vincent dans les toilettes ah ouais. au bout d'1h30. Et à la fin, Vincent et Jules qui ont la discussion au restaurant juste avant le braquage. C'est la quatrième scène à 2h17 de film. Ok, ouais, j'ai complètement tout faux. Il n'y en a pas une dans le bon sens. Je crois pas, non. Mais il n'y en a pas une dans le bon sens. J'avoue, elle était... Ça, c'est mes réponses. Ouais, ouais, je suis en train de le voir. Ça, okay. c'est le film. Non, parce que quand tu me donnais les réponses, je les mettais dans un ordre. Ouais. Mais c'est compliqué comme question d'avoir la temporalité. Dans... Surtout dans un film comme ça. C'est ça. Putain, j'ai pas relevé le défi du coup. Ouais, mais moi, je voulais... Pulp Fiction Gate. Je voulais gagner le Pulp Fiction Gate pour la deuxième fois. Cette histoire n'est pas finie entre nous, Yannick. C'est aucun problème, Fanny. Là, il y aura une petite musique, Ouais, à chaque fois. J'accepte toute revanche sur le terrain de ton choix, sur le film de ton choix. Ah, mais avec plaisir. tu sais que je suis joueuse de caractère. Oui, moi aussi. Et toi aussi. Moi, c'est pas grave. Non. Je suis bonne. Je partirai comme une princesse. Voilà. De toute façon, tu finiras deuxième, c'est bien déjà deuxième. Eh ben, surtout sur voilà. deux. Alors, 19e et dernière question classique. Il y aura un petit jeu après derrière. D'accord. Dans Denis la Malice, en 1993, un film de Nick Castel, Denis va saboter la floraison d'une fleur très attendue par son voisin. D'accord. Comment s'appelle cette fleur ? Est-ce que c'est le pénis de Zeus ? Est-ce que c'est le pénis d'Hadès ? Est-ce que c'est le pénis du Titan ? Ou est-ce que c'est le pénis de Thémis ? Question de Fanny qui voulait me faire dire quatre fois pénis dans l'émission. Je te remercie, Fanny. Mais je t'en prie. Alors, je savais pas que t'allais faire en plus une question coquine où t'aurais dit God et voilà, tout ça, je savais pas. Alors Yannick, tu peux répéter. Tu peux me répéter les... Bien sûr. Ça fera 8 fois. Pas de souci. Est-ce que c'est le pénis de Zeus, celui de Hadès, le pénis du Titan ou le pénis de Thémis? Ah, déjà, je me rappelais même pas qu'il s'appelait le pénis de quelque chose dans le film. T'as vu ça. Hadès, je crois pas. Titan, je crois pas. C'est quoi les deux qui suivent? Il reste Zeus et Thémis. Je vais dire Thémis. Tu valides? Et c'est une mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse. C'était? C'était le... Vas-y, Fanny. Le pénis du Titan. Du Titan. D'accord. Tu le dis en latin? Non. Alors, c'est l'Amorphophallus titanium. Voilà, tout à fait, pour les puristes. Exactement. C'est cette fleur qui pousse une fois tous les 10 ans avec une odeur terrible. Ah oui. Il y a d'ailleurs un épisode des Simpsons, je crois, aussi là-dessus, sur cette fleur-là. Ouais. C'est un fumet nauséabond oscillant entre la charogne et le fromage abandonné. Et on pouvait la voir à Nantes il n'y a pas très longtemps. Exactement, pour la c'est ce que je lui ai marqué dans le, dans le texte. Tu peux le voir au jardin botanique de Nantes. Mais une fois tous les 10 ans, il ne faut quand même pas souper. Bah, c'était il n'y a pas longtemps. Ah, pendant très longtemps, je pense que c'était une fleur qu'avait inventée pour les besoins du film, en fait. Ah non, non, non, elle existe vraiment, mais elle pue. Elle pue vraiment, quoi. Et elle ressemble à un phallus. Le phallus du Titan. Cette scène du film où justement elle est en train d'éclore et t'as tout le monde qui détourne le regard à ce moment-là. C'est parfait. Donc tu vois, je t'ai eu sur Denis la Malice. Oui. Personne ne pourra m'avoir sur ce film-là. Bim. Ah, j'ai jamais dit ça. Des fois, tu le dis. Ouais. Ah bah, en tout cas, tu lis super bien et tu donnes super bien les questions. C'est, franchement, c'est un régal, Yannick. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Ah non, c'est un régal. Tu es un très bon maître de cérémonie. Ça me touche, merci. Merci beaucoup. Alors, les amis, je vous propose un petit jeu alliant rapidité et bonne réponse. En fait, ça sera simple. D'accord. Fanny, d'accord, on commence par toi. Je vais te poser 10 questions à la suite. 10 questions faciles sur 10 films que tu connais très bien, parce que c'est les films que Julien m'a donné. Soi-disant tes 10 films préférés, on va dire. Okay. Tu dois répondre le juste et rapide, puisque en cas d'égalité sur le bon nombre de bonnes réponses, c'est celui qui aura répondu le plus rapidement aux 10 questions qui gagnera un point. Tout à fait. Okay. On est parti? Alors, on je vais chronométrer en même temps. Moi, je parle normalement. Si tu as la réponse en plein milieu, coupe. Tu coupes pour passer à la suivante et... D'accord. Et je passe à la suivante tout de suite. On est parti? Ok, on fait comme ça. Alors, on est parti. Je décompte. 3, 2, 1, c'est parti. Dans Jurassic Park, à part le tyrannosaure, cite-moi un autre dinosaure du premier film. Vélociraptor. Dans L'Histoire sans fin, comment s'appelle le cheval qui nous a tant fait pleurer dans la scène du marécage? Putain, ne te laisse pas envahir par la douceur. Non, putain! Putain, Bastien... Tu peux me dire de passer à la suivante si tu l'as pas. Passe. Dans Maman, j'ai raté l'avion, la maman de Kevin rentre chez elle avec un groupe de musiciens. Dans quel genre de musique? La polka. Dans La famille Adams, c'est quoi la chose dans le film? Une main. Dans Interstellar, quelle partie de la chambre de Murphy est utilisée comme relais de communication? La bibliothèque. Indiana Jones, c'est la... Indiana Jones, chronologiquement, quel est le premier film? Chronologiquement. La dernière croisade. Non, le temple maudit. Dans Gremlins, cite-moi une des façons dont la mère de Billy tue un Gremlins. Elle le poignarde. Oui. Que font les élèves à la toute fin du film du Cercle des Poètes Disparus? Ils montent sur les tables. Et ils font? Ils disent quoi? Oh capitaine, mon capitaine. Qui a un retour à le futur? Quel est le nom du célèbre chanteur interprète de Power of Love, président du jury? Jerry Lee Lewis. Non. Dans Forrest Gump, jeune Forrest Gump croise la route de quel chanteur qui deviendra très célèbre? Elvis. Oui. Ah, par contre, tu as une, deux, trois mauvaises réponses. Ouais. C'était Artax. Artax. Oh. Le premier film chronologiquement, c'est Le Temple Maudit. Voilà. Et dans Retour à le Futur, c'est Huey Lewis. Huey Lewis. Tu sais que cette phrase « ne te laisse pas emporter par la douce mélancolie », c'est quelque chose que je répète très souvent et encore plus ben, là maintenant. Oui, bien sûr. Parce que pour moi, c'est hyper important de ne pas se laisser attirer par la douce mélancolie. C'est trop facile. Artax, putain. Ah, je m'en veux. Très bon choix de film. Merci, mon bébé. Alors. Bibou, très bon choix de film. Ah, je crois que tu parles à Yannick. Bah, non, je ne vais pas appeler Yannick mon bébé quand même. Voyons, Fanny. Bah, Oui, d'ailleurs. Ça devait rester bah entre oui, nous. Bah oui, mince. Mais ah, oh, zut. Tout le monde va le savoir. C'est pas vrai, Séverine, c'est pas vrai. C'est ton bébé à toi, moi j'ai le mien. Voilà. Plutôt t'intéresser du côté de l'historique. C'est pas... On n'a rien à voir. Bon, allez, je suis prêt, Yannick. Tu es prêt, concentré. Alors, ouais, ouais. 3, 2, 1, top. Dans Apollo 13, quelle maladie empêche Ken Mattingly, interprété par Gary Sinise, de partir dans l'espace? Maladie qu'il ne développera pas, d'ailleurs. Ah, je passe. Dans Les Affranchis, quel acteur célèbre, notamment pour ses motherfuckers, a un petit rôle dans ce film? Je passe. Dans J'ai pas fait les questions. Tour vers le futur, en quelle année est propulsé Marty dans le premier film? 85. Non. Quel est le nom du personnage interprété par Uma Thurman dans Pulp Fiction? Mia Wallace. Dans Babe, le petit cochon devenu berger, comment s'appelle le couple de chiens de berger? Alors, il y a Ficelle et je sais plus. Donc, bah, je passe. J'ai pas le nom du chien. Dans Denis Malais, la malice, comment s'appelle le voisin de Denis? Putain, c'est pas possible. Monsieur... Je passe, non. En 1989, dans quel célèbre film des ados montent sur leur table à la fin pour dire « Oh capitaine, mon capitaine !» Babe, le cercle des peu disparu. Dans Rocky, dans quel genre de magasin travaille Adrienne? Je sais plus dans quoi il bosse, moi. Bibliothèque, je crois. Non, dans Star Wars, quel est le matricule de Luke quand il pilote son X-Wing pour la bataille de Yavin? Je sais pas, moi. Je sais pas, je passe. Et dans Peter Wardog, quel personnage coupe l'oreille dans la terrible scène de torture avec Stuck in the Middle with You en fond sonore? Le nom du personnage. Michael Madsen. Non, le nom du personnage. Je sais pas, monsieur. Je sais pas. C'est monsieur Blonde. Monsieur Blonde. Ah, t'es vrai. Ah oui, les... Ah, tu te stresses vraiment pour les... Ah oui, le chronomètre, c'est horrible. Ah oui. Alors... Bon, l'échauffement était bien, on peut le faire vraiment avec les vraies questions. Voilà, maintenant c'est parti, on et moi, on reprend. Je vais donner que... Ah non, mais moi, le temps, c'est une horreur. Je vais pas donner les questions, je vais donner que quel les films. Je sais, je te regardais. Il m'a regardé trop méchamment, genre, c'est toi qui as fait ces questions-là. Non. Mais non, moi, j'ai pas fait les questions. Tu m'as niqué sur Babe. Oui, j'ai mis une question, Babe. Enfin, j'ai posé... Oui. Donc, tu as deux bonnes réponses. Oh la vache. La maladie qui empêche Ken Mattingly, donc c'est la rougeole. Ah, mais tout ça. Voilà. Okay. Dans Les Affranchis, quel acteur célèbre, notamment pour ses motherfuckers, un petit rôle dans le film, c'est... Samuel L. Jackson. Ah oui, exact. Retour vers le futur. Joe Pesci, c'est pas un petit rôle. Hein. Ouais. Retour vers le futur. Marty est propulsé en 1955. 55. Voilà. Donc, Mia Wallace, tu l'avais. Le compagnon de Ficelle, c'est Rex. Ok. Le voisin de Denis La Malice, c'est George Wilson. Monsieur Wilson. Wilson. Adrienne travaille dans une animalerie, puisque c'est là où il va acheter des petites tortues. Luke Skywalker, c'est Red 5. D'accord. Voilà. Qui d'ailleurs, le pilote de Red 5 meurt dans Rogue One. Et c'est comme ça que Luke récupère ce code-là. J'avais bien aimé dans le film Rogue One le fait qu'il fasse mourir Red 5 de façon à ce que son code soit récupéré pour le suivant. Et Michael Madsen, c'est Monsieur Blonde. Ok, Monsieur Blonde. Voilà. Okay, et bien. C'est un point pour Fanny. Et voilà, je finis à 9 pour 12. Ça fait pas tant de différence que ça. Non, ça va. Non, ça, ça va. Ça va. Donc, du coup, je garde mes questions de départage pour peut-être une autre fois. Ah bah peut-être, ouais, carrément. Carrément, ouais. Yannick, bravo. Merci. Franchement. Mais... Et bravo à Julien. Oui, bravo à toi. Ça a dû te demander beaucoup, beaucoup de boulot. Là. Je suis en train de voir tout ce que t'as écrit. Oui, un petit peu. C'est vrai que j'ai passé un peu de temps, mais c'était agréable à faire, vraiment. Carrément. C'est là qu'on se rend compte le temps et l'énergie qu'on donne à la préparation d'un podcast et qu'en fin de compte, ben, on s'en fout, en fait, parce qu'on va passer un bon moment et c'est ce qui s'est passé là. Ça va faire 2h43 que ça tourne et après, on passe les... un super bon moment. Quoi. Ouais. J'avoue que les quiz, c'est un peu bizarre parce que tu passes énormément de temps à faire des questions qui sont expédiées en émission en l'espace de... Oui, de quelques secondes. De 45 secondes, voilà, quoi, ouais. Mais j'ai regardé plein d'extraits de films, j'ai revu des films entiers pour le plaisir. Donc ça a été vraiment quelque chose de très très agréable. Comme la première fois où je t'ai fait les questions pour Fanny, c'était vraiment, vraiment sympa. Ouais. En tout cas, c'était une super bonne émission. Ben ouais, c'était génial. Super ouais. agréable. On se mettrait pas une petite musique de fin? Déjà, pour, tu veux dire au revoir, toi? Bah, oui, ça va faire 2h30. Bah, oui, ça va faire ouais. 2h30 des... quasiment qu'on tourne. C'est ça. Oui. C'est vrai, déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On va se mettre une petite musique, musique de fin pour dire au revoir. Alors, je à précise tout que monde. La musique de fin, je ne la connais pas. C'est toi qui me l'as envoyée. Et tout à fait. Petit indice, ça vient du film The Faculty. Ah. Et ça pourrait faire partie d'un épisode de Psycho un jour, puisqu'on est dans le genre punk rock, donc il aurait sa place, même si c'est quelque chose de très connu. Mais généralement, vous parlez plutôt de groupes un petit peu moins connus, mais voilà, vrai. Celui-là, il est extrêmement connu. J'ai même pas besoin de vous donner ni le nom du groupe, ni le titre de la chanson. Quand tu vas passer la chanson, vous allez tout de suite la reconnaître et dandeliner de la tête comme moi derrière mon micro. Écoute, je la lance maintenant et puis on va pouvoir dire au revoir à tout le monde. Voilà. Carrément. Ah oui, je vois. Ouais, du coup, Yannick, ta première expérience podcast. Oh, bah, c'est comme toutes les premières fois. Hein. Ça fait un peu bizarre au début. Puis quand t'as fini, t'as plus envie, c'est de recommencer. Donc, c'est ça. Oui, mais t'as pas eu mal. Non. Ah bon, bah, voilà. Ça va. Non, alors. Non. C'est le plus important. En tout cas, c'était un réel plaisir de venir les mains dans les poches, même ouais. si j'ai perdu, c'est pas grave. Pas grave, on s'en fout ça. Je remettrai mon... ton titre en jeu. Tu remettras ton titre. Oui. Quand même. Ah oui, toujours. Ouais. Tu remets ton titre. Ouais. Okay. Et il me semble qu'on est un petit peu parti pour des sessions d'émission quiz et qu'Yannick t'es dans les prochaines émissions en fait. Exactement. Avec nous. Exactement. Avec grand plaisir. Oui. grand plaisir. Ça marche. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à toi, Yannick, pour tout le travail et toute l'énergie que tu as donné pour ce podcast. Merci à vous pour votre confiance aussi, les amis. Merci beaucoup, vraiment. Énorme. Ah, c'était génial. Mmh. C'était normal pour tout le temps qu'on passe ensemble sur les réseaux et le petit temps à côté de te faire participer à cette grande aventure qu'est le podcast. Mmh. C'est gentil parce qu'il fallait me faire confiance sur quelque chose où j'avais pas l'habitude, mais donc... Quoi, vraiment, merci beaucoup, ça me touche. T'es capable de sortir de ton cadre aussi. Aussi. Eh oui, à bientôt Bibou. À bientôt Bibounette. Des bisous. À bientôt les amis, merci. Salut. Des bisous. Bisous. Allez, salut.